dans les derniers chapitres de son ouvrage. En effet, les trois derniers chapitres de l'enquête sur les modes d'existence portent sur la question de l'économie et du capitalisme, tout ça mis avec des guillemets, des thèmes économie et capitalisme que le sociologue n'avait jamais abordé jusque-là de façon directe, mais seulement de façon, disons, allusive et médiate. Mieux même, il installe le traitement de cette question, de ces questions, capitalisme et économie, il installe le traitement de ces questions en position terminale, en position de récapitulation de l'ensemble des réflexions extrêmement amples et extrêmement ambitieuses menées dans cet ouvrage, comme si la réflexion sur l'économie et le capitalisme constituait en quelque sorte le couronnement de sa propre aventure, de son propre itinéraire à l'intérieur du champ nouveau pour lui de l'enquête philosophique ou de l'enquête ontologique. On peut lire ces chapitres comme l'expression d'une sorte de provocation anti-kantienne qui consiste à installer l'économie, la science, la science économique en espèce de science synthétique, en espèce de science sereine, intégrant les savoirs et totalisant les savoirs, mais aussi, les deux mouvements sont corrélés, jetant une passerelle vers la pratique. Si on essaye, au-delà, comment dire, des fioritures de style et des prouesses conceptuelles propres à cet auteur, de dégager bien, de façon bien paysanne, quelques grandes idées simples, je les résumerai à deux principes, à deux points essentiels. Bon, ce qui est frappant, c'est que dans son approche, Bruno Latour renvoie dos à dos ce qui, d'après son propre discours à lui, représente les deux approches typiques, les deux approches théoriques les plus importantes dans ce domaine. La première approche, c'est celle qui relève de la théorie économique dominante, dite parfois standard ou orthodoxe ou néoclassique. Bruno Latour, au fil de ses formulations, en donne une caractérisation qui n'est nullement désarçonnante, hein, qui est tout à fait banale même, qui consonne avec ce que disent des auteurs par ailleurs très différents, venant d'horizons théoriques tout à fait distincts, comme par exemple Orléans. Voilà, le propre de l'économie, de la science économique néoclassique ou orthodoxe, c'est de naturaliser certains types, certaines formes, naturaliser donc absolutiser, certaines formes de la situation de la situation marchande, celle où il y a rencontre asociale, non liante, non créatrice de lien entre l'offre et la demande, ce qui s'appuie, je suis toujours en résumé la description critique de Latour, ce qui s'appuie sur une anthropologie et une ontologie particulièrement étroite, parce que l'intérêt, y compris au sens le plus limité du terme, y règne. Donc pas seulement un individualisme méthodologique, mais une espèce de pauvreté ontologique qui ne permet pas de penser la variété, l'éventail complet des intérêts humains, et qui ne permet pas non plus du coup de penser la variété des formes sociales en tant que telles, qui constituent même un obstacle à la réflexion sur cette double diversité. Plus intéressante est la prise de position critique de Latour à l'égard de l'autre approche, de l'approche alternative du capitalisme. L'idée est la suivante. Il existe contre cette orthodoxie, contre cette économie néoclassique, un autre massif théorique. De ce point de vue-là, Latour ne rentre pas dans une approche différenciée des oppositions à la théorie néoclassique, et c'est peut-être dommage. Il y a une tendance maximalement représentée, disons, à réifier indûment, à réifier massivement ce que l'on entend penser, à substantialiser un grand être qu'on appellera capitalisme avec une majuscule, avec un grand C. Et l'idée de Latour, n'est-ce pas, c'est que il est difficile de faire le partage entre capitalisme avec un petit C et capitalisme avec un grand C, que, comment dire, une fois que l'on condamne l'usage réifiant, maximaliste, substantialisant de la catégorie de capitalisme pris en un sens hyperbolique, ça fait tomber du coup le recours, la tentation que nous pouvons avoir de recourir à un concept même plus modeste de capitaliste. Hein. Il faut vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi faut-il le jeter ? Parce que l'usage substantialisant de la catégorie de capitalisme nous pousse à représenter celui-ci comme une espèce d'hypostase illégitime, comme une espèce de transcendance en roue libre et omnivore, hein, qui se jetterait de façon maléfique, hein, qui se jetterait de façon diabolique sur la société innocente. Inutile de dire que cette critique de la catégorie de capitalisme, comment dire, suppose chez Latour quelque chose comme l'idée que au fond il y a une espèce de solidarité indéfaisable, hein, une solidarité indéfaisable entre l'usage de la catégorie de capitalisme en tant que telle, hein, et une certaine philosophie de l'aliénation objective, hein, si j'entends par philosophie de l'aliénation objective l'ensemble des schémas qui se rapportent au modèle par lequel certaines formes sociales, certaines entités sociales se sont décrochées de la vie sociale, se sont décrochées de l'expérience, se sont décrochées du monde de la vie pour former en quelque sorte un pôle de transcendance extérieure inmisible par rapport à la société. Donc ce que montre Latour, hein, je continue très rapidement ce petit balisage de la critique de la critique du concept critique de capitalisme à la fin de l'ouvrage récent. Ce que montre Latour, c'est que cette philosophie de l'aliénation objective se traduit la plupart du temps par des critiques qui, selon lui, sont aveugles de deux choses, la marchandisation et le consumérisme. Pour Latour, comme pour d'autres auteurs, avant lui, on pensait évidemment à Foucault, la critique de la marchandisation et la critique du consumérisme sont non seulement d'une superficialité désolante, mais sont fausses, hein, sont purement et simplement fausses quant à leur prémisse du point de vue philosophique. En résumé, pour Latour, dès que j'utilise la catégorie de capitalisme, je mets le petit doigt dans un engrenage infernal qui me mène à un usage qui est à la fois substantialisant, réifiant et aussi précipitamment critique, les deux étant parfaitement liés, de la notion de capitalisme, puisque de ce point de vue, elle n'apparaît pas axiologiquement neutre. Hein. Elle apparaît engagée du côté de la critique de ces grands trucs, hein, de ces grandes choses énervantes que sont les puissances détachées, en particulier ce qu'on est tenté d'appeler le capital avec un grand C. Donc, de façon tout à fait compréhensible, Latour montre que la pente naturelle de la sociologie classique, hein, a été de réifier le social, hein, de penser plutôt par substance plutôt que de penser par interaction et d'assemblage. La production, disons durkheimienne, du concept de société avec un grand S en est une manifestation historiquement décisive, mais parallèlement, hein, le baptême, la manière d'intituler la forme économique moderne à travers la catégorie massive, massue de capitalisme, en est l'autre expression majeure. Contre cela, je continue cette description rapide, Latour propose, disons, quelque chose qui, au-delà du geste de la sociologie économique ordinaire, qui consiste à revenir aux pratiques et aux formes réellement engagées par les individus, se ramène, disons, me semble-t-il, à deux noyaux qu'on peut isoler, là encore, de façon très simple. Et si on veut aplatir complètement le texte de Latour, on arrivera à quelque chose comme cela. D'une part, si on réfléchit à ce qu'on entend à travers, ce qu'on entend réellement, ce qu'on devrait entendre à travers les catégories d'économie et de capitalisme, on devrait entendre des interactions extrêmement variables, extrêmement variées, et qu'il n'est pas possible, sinon au prix d'un coup de force, de subsumer sous une catégorie unique. Un fournisseur et un client s'entendent. Un État édicte une norme industrielle. Un échange a lieu. Des ingénieurs mettent au point et découvrent un procédé industriel quelconque. Voilà, sous l'économie et sous le capitalisme, entre guillemets, il y a un fourmillement d'activités, un fourmillement de rapports sociaux qu'il est impossible sociologiquement de ramener à une unité simple. Et le deuxième argument latourien, là encore présenté sous sa forme la plus plate possible, c'est que au-delà de cette sympathie que nous devons retrouver pour la chaleur vitale qui se dégage des interactions économiques, hein, y a cette idée, si vous voulez, latourienne, que je trouve profonde et qu'on peut accepter dans une très large mesure, que la théorie sociale moderne, depuis Marx et Weber, a eu tendance, j'allais dire, à exagérer le primat de la froideur et de la rationalité dans les activités humaines. Et précisément, elle a eu tendance à voir dans l'univers capitaliste le lieu par excellence de la domination de la froideur et de la rationalité. Le pari de Latour, c'est d'essayer de retrouver une sensibilité à la vitalité même, à la vitalité même, à la richesse existentielle qui s'exprime dans cet univers-là. Le premier geste de Latour est celui, finalement, qui consiste à essayer de retrouver la voie d'une sympathie à l'égard de cette diversité, de cette richesse vitale qui s'exprime dans les activités que nous avons, à cause de nos habitudes mentales à la fois réifiantes et critiques, tendance à subsumer trop vite sous la catégorie de capitalisme. Et puis, il y a une deuxième idée, disais-je, un deuxième principe, c'est que ces interactions, malgré leur diversité essentielle, ont un caractère, une propriété commune. Cette propriété, c'est comment dire qu'elle met toujours en rapport des choses et des gens. Alors là, on arrive à un des fondamentaux de la position latourienne, de son anti-humanisme en quelque sorte, de son décentrement anti-anthropocentrique, sa réévaluation de la choséité. L'idée, si vous voulez, que le capitalisme est lié à des techniques au-delà, disons, de la révolution industrielle, hein, qui a une histoire longue de l'entrelacement entre le progrès des formes économiques de type capitaliste et l'avènement de nouveaux objets au-delà des machines typiques de la révolution industrielle, est une idée qui elle-même n'est pas originale. Dans la sociologie classique du capitalisme, par exemple chez Zombart, on trouve l'idée qu'il y a un lien profond entre le capitalisme et cet objet particulier qu'est le livre de compte, hein, la comptabilité en partie double, débit, crédit. Donc il y avait cette idée de réfléchir, non pas à une archéologie de la machine à vapeur, hein, mais de réfléchir au fait qu'il y a des techniques intellectuelles et des techniques industrielles qui sont en sourdine, inhérentes au capitalisme. Il me semble que ce que fait Latour, c'est généraliser cet abord du capitalisme par les choses, par les objets, par les techniques les techniques d'inscription, les techniques de rassemblement, les techniques d'interaction, les techniques de synthèse, au-delà de l'idée par ailleurs classique en économie que ce qui fait le propre du monde capitaliste, c'est, disons, le primat de l'argent, hein, le primat réifiant et réifié de l'argent en tant que tel. Alors, réévaluation donc de la passion, de la chaleur vitale et réévaluation de l'objectivité ou de l'objectalité en tant que telle. Pour Latour, il est clair que raisonner en termes de capitalisme, introduire cette catégorie illusoire, cette catégorie écran, cet obstacle épistémologique, fait problème face à cette double décision. C'est pour cela qu'on a l'idée chez Latour, et je terminerai mon rapide horizon par cette remarque, on a chez Latour l'idée de réévaluer l'économie comme, disons, le savoir analytique et normatif. Je crois que c'est ça qui intéresse Latour dans son livre, c'est de montrer, enfin, c'est de faire allusion de façon très astucieuse, mais un peu masquée, à l'idée que l'économie est une science qui se rattache à un projet analytique et un projet normatif. C'est en quelque sorte de rattraper ce double projet-là et d'élever donc l'économie revue par lui, l'économie réinvestie par sa propre perception et par sa propre sociologie, en savoir analytique et normatif global, des meilleurs arrangements, hein, des meilleurs arrangements et donc des interactions les plus enrichissantes. Les plus enrichissantes. Comment l'énergie et la vitalité qui sont actuellement à l'œuvre, que nous le voulions ou non, que ça nous plaise ou non, dans le capitalisme mondialisé, pourraient être redirigées, pourraient être recanalisées, pourraient être réorientées dans un sens qui soit plus responsable, et ce sens plus responsable, entre guillemets, il est clair qu'il faut attendre les toutes dernières lignes du livre de Latour pour comprendre que c'est évidemment dans le sens de la responsabilité écologique que cela doit comprendre. Mais cette manière de différer au dernier moment le clou du spectacle, la révélation que tout ça prend sens à l'intérieur d'une philosophie qui cherche à prendre en compte de manière massive et décidée la dimension environnementale, cette manière de le différer jusqu'au dernier moment me semble assez significative de sa manière de faire. Alors ce que je voudrais proposer dans la partie plus constructive de ma présentation, c'est de suggérer plusieurs choses. Bon, voilà, je vais jouer le jeu qui n'est pas difficile en soi-même et qui n'est pas excitant a priori, de défendre la productivité d'une catégorie qui, même si on accepte une partie de l'agenda latourien, même si on accepte une grande partie des remarques latouriennes, sinon ça n'aurait pas de sens, conserve son intérêt et sa puissance de suggestion. Et ce que je voudrais faire pour que ma position ne soit justement pas comprise comme simplement conservatrice, il y a un bon vieux concept qui est encore pas mal utile, quoi, hein. Pour que ma position soit pas simplement conservatrice, je voudrais insister aussi sur le fait que les recherches, les travaux dans les sciences humaines, historiques, sociales, économiques, qui ont accepté de conserver à titre de pôle de référence la catégorie de capitalisme, qui ont accepté le jeu consistant à graviter autour de cette notion, avec son héritage, avec ses inconvénients, avec sa densité propre, avec son inertie propre. Bien, les travaux qui ont accepté ce jeu-là, qui ont accepté de porter ce boulet-là, de traîner ce boulet-là, bien, ces savoirs-là, ont été inventifs sur le plan ontologique. Voilà, c'est simplement ma thèse. C'est-à-dire qu'ils ont, qu'au-delà, voilà, mon idée, si je devais la présenter, j'essaie de le faire d'une façon aussi simple que claire que possible, c'est que Latour a raison en disant que dès qu'on utilise la catégorie de capitalisme, on n'est pas loin du schéma, de l'image, de l'idée de l'aliénation objective, c'est-à-dire de l'hypostase illégitime, du truc qui s'est décroché de la société et qui continue son chemin en fonction d'intérêts autonomisés à distance de la vie sociale. On n'est pas loin, effectivement, de cette philosophie du risque que fait poser à la vie sociale, mais plus qu'à la vie sociale, l'automouvement perpétuel, obsessionnel de ces machineries, de ces puissances, de ces objectivités décrochées par rapport au corps premier de la vie sociale. Latour a raison de suggérer qu'il y a une sorte de lien indéfaisable entre l'utilisation de cette catégorie avec sa pesanteur historique et ce schéma qui est celui de l'aliénation purement et simplement. Simplement, ce que je voudrais montrer, c'est que dans les savoirs contemporains, il y a une manière, non seulement de nuancer, de complexifier, d'enrichir le schéma de l'aliénation objective, de ne plus de le dépouiller de son caractère excessif, massif, lui-même hyperbolique, donc d'assouplir, de moduler cette image de la puissance détachée, de telle sorte qu'elle devienne utilisable, intéressante, incontournable pour la description des phénomènes, pour l'analyse des phénomènes. Mais il y a aussi, deuxième élément, une manière de montrer que cette philosophie de l'aliénation objective, cette image de la puissance décrochée et détachée, n'est bonne, ne devient bonne, ne passe un cap dans la manifestation de sa fécondité, que quand elle accepte d'entrer en dialogue avec des modèles ontologiques, avec des schémas, avec des manières de penser, avec des manières d'appréhender les phénomènes qui sont distincts. Donc un principe de souplesse intérieure, et un principe de complémentarité et d'entrer en symbiose avec d'autres façons de penser. Alors, leur tourne, je suis bavard, et par conséquent, il me reste peut-être un temps trop limité pour essayer simplement de donner quelques exemples de cette productivité, non seulement empirique, la question pour moi ne fait pas discussion, de la notion de capitalisme, mais une fécondité empirico-ontologique, dans la mesure où, en décrivant mieux les phénomènes, en acceptant de décrire les phénomènes en gardant en tête la catégorie de capitalisme, eh bien, on s'engage sur un terrain qui est aussi celui, indirectement, hein, de comment dire, qui est celui de l'appréhension de nos du détachement, du dégagement, de l'élaboration de catégories qui peuvent être qualifiées d'ontologiques. Alors, ce que je dis est très abstrait. Je vais tout de suite m'engager sur l'analyse d'un certain nombre d'exemples. Bon, par exemple, une des questions, peut-être la question à la fois la plus ennuyeuse et la plus banale, mais aussi la plus constitutive de ce qu'on appelle l'ontologie sociale, c'est évidemment la question du holisme. Du holisme et de ses limites, dans quelle mesure les touts ne sont-ils pas simplement des êtres de raison, comme disaient les classiques. Mais je crois qu'on pourrait montrer qu'il y a une productivité possible de la réflexion sur le capitalisme face à ce problème archiclassique et peut-être ce problème qui est constitutif de l'ontologie sociale en tant que telle, c'est-à-dire important dans l'ontologie en général, une productivité qui peut être montrée par rapport, disons, à l'état des discussions contemporaines. Je prends simplement quelques points de repère. Face à la catégorie de capitalisme, Latour n'est pas le premier à défendre une position sceptique, voire éliminativiste. La position éliminativiste, le concept de capitalisme ne sert à rien. C'est plutôt un obstacle épistémologique qu'un appui. La position éliminativiste est quelque chose d'assez fréquent et d'assez intéressant antérieurement à la position de Latour. Ce que je voudrais essayer de montrer en quelques phrases, c'est que la position éliminativiste s'est heurtée dialectiquement à des obstacles très forts qui, du coup, nous oblige à revenir à cette catégorie de capitalisme elle-même. Classiquement, les deux positions éliminativistes les plus connues sont, d'une part, disons, une forme de réductionnisme, et d'autre part, une stratégie d'englobement. Le réductionnisme, il peut avoir plusieurs formes. On pourrait dire, par exemple, que ce qui est intéressant, c'est la révolution industrielle, et que la catégorie de capitalisme n'est jamais qu'un parasite épistémologique. Pour penser ce qui est mieux pensé lorsqu'il est question de société industrielle, de développement industriel. C'est une position qu'on trouve chez un certain nombre d'historiens. Elle n'est pas dite aussi brutalement que je ne le fais là, mais elle existe chez les historiens du monde de l'industrialisation des sociétés, qui considèrent que c'est vraiment ça le phénomène à penser, c'est le phénomène, l'industrialisation, qui constitue le pôle de référence d'analyse et d'études aussi précises que possible, de telle sorte que le concept de capitaliste n'apparaît plus que comme un appendice un peu gênant de la catégorie d'industrialisation. Vous trouvez cette position par exemple chez Patrick Verlet, hein, l'historien français de l'industrialisation européenne à l'échelle du monde. Mais le réductionnisme le plus célèbre, c'est évidemment toutes les approches en termes d'économie de marché. La notion d'économie de marché, telle qu'elle est utilisée dans l'économie néoclassique et dans le néolibéralisme théorique, n'est pas, comment dire, le pur et simple produit de l'évolution des idées depuis l'économie classique, smithienne ou ricardienne. C'est un concept polémique. C'est un concept polémique, et celui qui évidemment a le plus nettement révélé cette affaire-là, c'est Hayek. Chez Hayek, chez qui vous trouvez très clairement l'idée que la notion de capitaliste est idéologique, est profondément idéologique, et que ce qu'il y a derrière le concept inutilisable, purement idéologique et polémique de capitaliste, ça devrait être l'économie de marché, donc position réductionniste. Ce qu'il y a à penser, c'est l'économie de marché avec ses lois, sa pensabilité, plus que cette entité supposée pourvue de tendances propres, n'est-ce pas, supposée porteuse de contraintes propres et de tendances propres que l'on appelle le capitalisme. Alors, j'insiste aussi sur le fait que pour pas qu'il y ait de malentendus, sur le fait que le réductionnisme, le réductionnisme, cette forme d'éliminativiste qu'on peut qualifier de réductionniste, n'est pas exclusivement rattachée à une position néolibérale. hein, même si historiquement celle-ci est très importante. Vous trouvez par exemple chez des théoriciens comme André Orléans l'idée qu'au fond ce qui compte, je simplifie monstrueusement, hein, ce qui compte c'est la centralité de l'argent, hein, c'est l'attachement à l'argent, hein, c'est l'attachement à l'argent comme phénomène, disons, comme phénomène social total ou comme phénomène psycho-sociologique total, ce qui est très différent effectivement de l'approche classique où l'argent n'est qu'un médium, hein, n'est qu'un instrument transparent, ou même de l'approche marxienne où l'argent lui aussi, du fait qu'il est quasiment représenté comme une puissance qui développe, qui passe de l'en soi au pour soi et développe progressivement ses potentialités, annonce la quasi-subjectivation du capital que Marx a parfois été tenté de réaliser. Donc il y a l'idée chez Orléans par exemple du fait premier de l'attachement à l'argent, dont le capitalisme, je simplifie, serait l'exacerbation, la manifestation, l'explicitation complexe. C'est pour ça que chez quelqu'un comme Orléans, d'une façon qui est surprenante, hein, pour quelqu'un qui est passé par le marxisme, la question des classes disparaît complètement, et on trouve l'idée au fond que ce qui est caractéristique du capitalisme mature, c'est disons la financiarisation, c'est le marché financier, c'est l'omniprésence des marchés financiers plutôt que le marché du travail, hein, donc on a un déplacement du côté de la centralité des marchés financiers, mais la centralité des marchés financiers, fait historique contingent, n'est là pour Orléans que pour manifester en quelque sorte ce primat de l'argent qui permet de court-circuiter tout ce que habituellement on a pensé sous le nom de capitalisme, c'est-à-dire des rapports de classe, des rapports de travail, des rapports de domination, l'importance du profit, etc. Donc réductionnisme d'un côté et puis stratégie de l'englobement de l'autre. Alors, les stratégies de l'englobement, elles sont nombreuses aussi. La plus influente et la plus puissante théoriquement d'entre elles, nous la connaissons toutes et tous, c'est effectivement celle qui dérive du marxisme weberien, où la stratégie en gros c'est de dire que le capitalisme en gros c'est pas l'exploitation du travail, hein, c'est la rationalisation de la vie, hein, c'est la rationalisation des formes de vie. Alors dit comme ça, ça n'implique pas nécessairement une disqualification de la catégorie de capitalisme. Simplement, on change le centre de gravité de l'interprétation. Mais ce qui est impressionnant, c'est que historiquement, ce déplacement de l'intérêt, de l'exploitation du travail vers la rationalisation de la vie, qui pouvait encore se rattacher à un primat sociologique du travail, a eu comme effet que l'on a pu récupérer toute une série d'arguments, qu'on a pu rattraper au vol en quelque sorte, prendre en écharpe toute une série d'arguments qui allaient dans le sens de l'idée d'une synchronicité, d'une symbiose profonde entre, disons, l'État et le capitalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie unité de mesure pour ces gens-là, historiquement, ça ne sera plus le capitalisme, mais ça sera la modernité. Hein, c'est l'idée de modernité a servi essentiellement à ça. Elle a servi à englober les dynamiques propres du capitalisme, avec les jeux de langage que nous sommes habitués à appliquer à ces affaires. Hein, rapport de classe, domination. Elle a servi à faire entrer en communication la réflexion sur le capitalisme avec des phénomènes à la fois profondément liés aux précédents, mais trop, j'allais dire, qui ressemblent trop, qui ont trop d'analogies avec eux, qui ont trop de ressemblances avec eux et trop de connexions empiriques avec eux pour être véritablement oubliés, en particulier le développement de l'État. En gros, hein, on va jusqu'au bout de l'idée que le développement de l'État, un certain devenir de l'État et l'affirmation du capitalisme sont deux phénomènes absolument imbriqués l'un dans l'autre. Alors voilà les deux stratégies qui, à mon sens, sont les plus impressionnantes dans le champ des sciences sociales au sens large, c'est-à-dire y compris les sciences économiques. Stratégie de la réduction et stratégie de l'englobement. Une plus grosse unité, la modernité, en quelque sorte. Bon, sans que j'aie le temps de développer, je crois que je peux m'appuyer sur une intuition qui naît naturellement, je crois, à l'écoute de tels arguments, l'intuition selon laquelle, bon, ces deux stratégies manquent énormément de choses, sont vouées en quelque sorte à laisser un espace empirique absolument gigantesque, l'espace empirique qui est celui qu'investissent aujourd'hui les théoriciens du capitalisme contemporain, les historiens du capitalisme sur la longue durée. Voilà, il me semble que je peux m'appuyer, sans avoir le temps d'entrer dans les détails, et je m'excuse, c'est implicite ou de ce raccourci, je peux m'appuyer sur l'intuition sur laquelle on manquera beaucoup de choses intéressantes, quoi. Avec ces deux stratégies qui, par ailleurs, ont leur fécondité propre et permettent de recadrer un peu le paysage épistémologique. Alors, ce que j'en tire, c'est effectivement que de ce point de vue-là, un holisme qui prendrait en compte la spécificité des structures, de l'organisation, des rapports sociaux que l'on a l'habitude de rattacher au capitalisme, et un holisme qui prendrait aussi en compte, c'est peut-être l'essentiel, la dimension dynamique de l'affaire, l'existence de tendance, pour reprendre le vocabulaire absolument classique de Marx, il me semble qu'un holisme là reprend des couleurs nouvelles, n'est-ce pas, ontologiquement, un certain holisme, je ne traite pas du holisme en général, mais un certain holisme, ce holisme qui a les yeux braqués sur la catégorie de capitalisme, peut reprendre à nos yeux un certain nombre de couleurs, un certain nombre de vigueurs, un certain intérêt, si nous réfléchissons aux limites épistémologiques inévitablement rencontrées par ces deux stratégies que j'ai qualifiées d'éliminativistes. Alors, il me reste quelques instants pour essayer d'entrer un petit peu plus loin dans la description de cette affaire et de montrer encore une fois que, au fond, j'allais dire, les gens ne sont pas si bêtes. Les gens ne sont pas si bêtes, et que la catégorie de capitalisme a pu être maintenue vigoureusement dans ses prétentions classiques, définir un gros paquet de phénomènes sociaux et définir un gros paquet de phénomènes historiques. Qu'elle a pu être maintenue dans ses prétentions relativement classiques, mais en même temps transformée, amendée et nuancée, jusqu'au point où ces inflexions conceptuelles nous amènent, ou en tout cas concernent, le champ ontologique, pris en un sens parfaitement conventionnel. Bon, je prendrai, si j'ai le temps, deux exemples, et si j'ai pas le temps, un seul. Un usage post-essentialiste et post-diabolisant, c'est pareil. De la catégorie de capitalisme, nous en retrouvons l'esquisse, nous en retrouvons les chemins de développement si nous réfléchissons à ceci. La question du passage du singulier au pluriel. Un capitalisme, mais des capitalismes, me semble plus importante que la question, disons, du maintien des guillemets autour du mot lui-même. Je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que les travaux contemporains, les recherches contemporaines, le savoir contemporain, désormais s'est installé sur le terrain de la pluralité, a pris au sérieux autrement que de manière purement verbale, l'idée qu'il faut accepter la pluralité de l'affaire, qu'il y a des capitalismes. La déclinaison n'est pas seulement un jeu de l'esprit, la déclinaison au pluriel n'est pas simplement un jeu de l'esprit pour faire révérence à notre esprit nominaliste et sceptique habituel, elle correspond à des progrès savants, authentiques et puissants. Pluralisation de la catégorie. Alors j'explique là encore en me référant d'une manière qui sera trop allusive à l'histoire de la théorie elle-même. Alors on sait, si on repart de Marx, la question est très très difficile. La question est très très difficile parce que Marx est quelqu'un qui affirme que justement le capitalisme est ce qui a introduit dans l'histoire un principe de dynamisme ininterrompu. Il dit clairement, c'est une évidence dans ce même. Il rappelle que le propre des sociétés touchées, concernées par ce que nous appelons capitalisme, et qu'elles sont désormais en état de mobilité et d'accélération permanente. Il dit ça, mais en même temps, il a une manière dans le livre 1 du Capital, d'aborder la question du capitalisme comme si, disons, une épistémologie évolutionniste suffisait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et c'est comme si la question de la diversité empirique était en quelque sorte retraduite dans un vocabulaire, à mon sens, inadéquat, le vocabulaire, disons, du cas typique, de la forme typique de maturité, et des diversités empiriques inintéressantes et non pertinentes pour notre affaire. C'est comme si le divers, c'est comme si le multiple, comme si la diversité des cases empiriques était rejetée soit du côté étaient systématiquement rejetés, soit du côté, disons, de l'anecdotique, de l'historiographique plus que du conceptuel, soit vus comme des traces de l'immaturité de quelque chose dont il s'agit au fond de penser la maturité, la forme mature. L'idée qu'il y a une forme mature, normale, du capitalisme peut être tirée du livre 1 du Capital, elle n'est pas extérieure à son projet. Alors ce que je veux dire, c'est que à partir de ce point de vue extrêmement problématique, c'est dégager toute une série de travaux à l'intérieur du marxisme et au-delà du marxisme qui, me semble-t-il, ont comme sens d'avoir de plus en plus pris au sérieux la question de la diversité, la question de la pluralité, et donc du coup de nous permettre de regarder vers la catégorie de capitalisme, dont nous savons maintenant qu'elle accepte bien gentiment de se pluraliser, qu'elle n'est pas figée sur une espèce de philosophie, hypostasiée ou hypostatique. Elle nous permet de regarder avec une certaine sympathie du côté de cette histoire. Je prends quelques cas. À l'intérieur du marxisme, l'idée que les développements... disons post-libéraux du capitalisme, avec l'avènement des grandes firmes, avec l'avènement de la financiarisation, que tout ça peut être le fondement d'une théorie des phases nouvelles du capitalisme, est une idée profonde, hein, est une idée profonde qui a profondément imprégné le marxisme dès le début du XXe siècle. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on voit comment la théorie des phases, l'idée qu'il y a plusieurs phases du capitalisme, a donné lieu à des espèces, comment dire, de développement, de déplacement, d'élargissement et d'assouplissement qui, par exemple, ont débouché sur des choses qui sont très familières à ceux qui connaissent les développements de la pensée marxiste dans les années 1960 et 1970. L'idée, par exemple, qu'il peut y avoir des phénomènes dits d'articulation, hein, c'est-à-dire que le capitalisme, pour dominer, n'a pas besoin d'évincer les autres formes de production, mais peut les subordonner. Ça n'a l'air de rien sur le plan ontologique. Hein. On passe d'une vision stadiologique, tel stade succède à tel autre. On passe d'une vision stadiologique qui avait été celle encore de Hilferding, de Luxembourg. On passe de l'idée de que chaque stade évince, remplace le suivant, comme deux énormes périodes de l'histoire se succèdent. Ça restait très hegelien, quoi. Les périodes avec un grand P qui se succèdent les unes aux autres. On passe à l'idée qu'au contraire, il y a un dynamisme capitaliste qui peut se traduire par l'intégration, l'absorption, la satellisation, mais aussi du coup la revitalisation de formes non capitalistes ou pré-capitalistes. D'où la réflexion dans les années 1960 et 1970 sur des phénomènes d'une grande diversité empirique. Je ne veux pas tout mettre dans le même sac, que ce soit, disons, la spécificité des rapports sociopolitiques de l'Amérique latine, que ce soit une réflexion sur la spécificité du phénomène de l'esclavage, qui n'est pas un résidu dans le capitalisme, mais peut-être un de ces moments organiques constitutifs, au moins dans une période essentielle de son histoire. On n'est plus dans l'évolutionnisme, hein, on passe de l'esclavage au salariat, que ce soit une réflexion sur ce qui s'est appelé dans les années 1970, aussi bien sous la plume d'anthropologues comme Salins que sous la plume de théoriciennes féministes comme Delphi, le mode de production domestique. Qui aurait comme spécificité de pouvoir s'intégrer, hein, de pouvoir s'intégrer au mode de production capitaliste. Alors, il y aurait toute une histoire à continuer, dont l'aboutissement principal me semble être le moment où la question de la diversité géographique, hein, c'est-à-dire synchronique du capitalisme, les modèles de capitalisme, a fini en quelque sorte par absorber ces problématiques encore trop prises dans la vision, disons, d'une histoire pourvue d'un sens, hein, pourvue d'une histoire pourvue au moins d'une unité. Et en quelque sorte, cette diversité, au lieu d'être pensée sur l'axe, disons, géographique, historique, est pensée de plus en plus sur l'axe géographique, avec l'idée qu'il y a des modèles, hein, de capitalisme, que le capitalisme chinois et le capitalisme états-unien, par exemple, n'ont pas vocation à se ressembler, à converger. Hein, c'est le refus du thème de la convergence des capitalismes. Il y a ces études variées aujourd'hui autour de la pluralité du capitalisme qui me semblent montrer, encore une fois, que le concept est suffisamment riche, suffisamment souple, à l'airain suffisamment solide pour pouvoir survivre, n'est-ce pas, à cette tentative à la portée ontologique immanquable qui consiste à prendre au sérieux le divers, hein, le multiple, hein, comme on dit dans la tradition, philosophique. Daphné, combien tu me laisses ? 5 minutes, enfin, c'est comme on avait dit entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Ah bah alors, si j'ai un peu de souplesse, je vais simplement en profiter pour donner un deuxième exemple. Donc, le concept de capitalisme a bien résisté, contrairement à ce que croit Latour, non pas, j'insiste beaucoup là-dessus, je suis lourd, hein, non pas, comment dire, au renoncement à la philosophie de l'aliénation objective. Oui, on a encore raison, on a encore des raisons. Soyons plus prudents. On a encore des raisons de faire confiance à ce modèle des puissances qui s'arrachent à la vie sociale et qui finissent par ne fonctionner que selon un régime propre, spécifique et potentiellement risqué, voire nuisible. Mais il me semble que ce qui s'est passé, c'est que ce modèle-là, c'est ça qui m'intéresse dans la présentation du jour, est entré en connivence. Hein, et entrer en connivence, et entrer en correspondance d'une façon de plus en plus intéressante avec des tentatives empiriques qui, par ailleurs, montraient hein, que la, comment dire, on pouvait sortir du degré ontologique zéro que représentait l'idée d'un capitalisme substance, d'un capitalisme machin suspendu au-dessus de la société et très méchant pour les gens et pour la nature aussi. Donc un dernier exemple dans les minutes qui m'ont été généreusement allouées par Daphné, la question, disons, de la dialectique entre homogénéité et hétérogénéité. Voilà, il me semble que on peut aujourd'hui considérer que l'idée d'une hétérogénéité essentielle du capitalisme, alors cette fois, je change un peu les règles du jeu, je reconnais, hein, du capitalisme non pas comme mode de production, il y en a à vrai dire jamais été question, hein, mais du capitalisme comme forme sociale, comme monde, comme forme monde, au sens lefèvrien du terme, d'une certaine façon. Pour penser le capitalisme pour soi, quoi, hein, comme monde, au-delà de la catégorie de mondialisation, il me semble qu'on est obligé, de passer, disons, du primat de l'homogène au primat d'une conception hétérogénéiste de sa cohérence. Voilà, il y a plusieurs façons de se représenter la cohérence d'un ensemble. Je fais là des remarques ontologiques tout à fait élémentaires, mais il me semble qu'on s'achemine aujourd'hui vers une représentation de plus en plus hétérogénéiste du type de cohérence qui est à l'œuvre dans ce que l'on appelle le capitalisme, au sens où on parle du capitalisme mondialisé ou du capitalisme fait société mondiale en tant que tel. Alors là encore, je voudrais très rapidement rappeler quelques éléments d'histoire de la théorie pour montrer cette dynamique, hein, cette dynamique d'assouplissement et de complexification dont la catégorie de capitalisme a été vraiment le porteur et le moteur, en tout cas le terrain, hein, ce qui me semble pas inintéressant pour tout ce que nous discutons ensemble. Voilà, si on réfléchit sur l'héritage sur l'héritage philosophique, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'héritage philosophique, par exemple l'héritage hegelien ou l'héritage heideggerien, nous conduisent très clairement à une vision homogénéiste du capitalisme monde, hein, pour la raison que je vais expliquer très rapidement. En très gros, les positions qui se rattachent ou se rapprochent de ces schémas philosophiques classiques suppose une épistémologie assez particulière, dans laquelle on suppose quoi ? On suppose que par-delà le bariolé, quoi, hein, par-delà la diversité, par-delà l'apparence, dans le capitalisme, il y a à l'œuvre un principe d'une simplicité diamantine, hein, d'une simplicité extraordinaire, et justement fascinant et sidérant par cette simplicité-là, un principe qui s'exprimerait partout, mais c'est ça l'idée, qui s'exprimerait partout de façon émanatiste, qui s'exprimerait partout sans différence, sans différenciation notable, sans ramification intéressante, hein, sans médiation particulièrement consistante. Si vous dites pareil, voilà, l'idée c'est qu'en gros on peut comprendre la chose en allant directement au cœur de la machine, hein, comme dans Matrix, hein, on va au cœur de la machine et on a tout pigé, quoi, hein. L'idée, c'est que par exemple, quand j'ai employé l'expression travail abstrait, hein, vous voyez Poston par exemple, on a dit l'essentiel. ce qu'on appelle les théoriciens de la valeur, qui insistent sur le fait que notre monde est dominé en quelque sorte par l'a priori de la valeur d'échange, la mise en équivalence de toute chose à travers la médiation de l'argent. Si j'opte pour de telles perspectives théoriques, ça veut dire que je me permets de court-circuiter la diversité empirique pour aller voir un principe qui est censé s'exprimer partout, à égalité, n'est-ce pas, sans cercle concentrique différencié, au cœur même, affleurant même dans l'empiricité. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré la fascination que ces images, qui évidemment sont très proches de l'idée d'un capitalisme totalitaire, hein, qui a tout absorbé, tout satellisé, tout mangé, tout dévoré, que ces images, à la fois immanatistes et totalitaires, hein, d'un capitalisme victorieux, hein, d'un capitalisme triomphal et sans reste, sans résidu, si elles sont fascinantes, si elles sont intéressantes, elles me semblent plutôt contredites, hein, elles me semblent plutôt contredites par, disons, les approches les plus différenciées de la façon dont fonctionne concrètement l'économie monde. Et je fais référence, par exemple, à l'ensemble de l'héritage des théories du système monde, qui ont toujours, voilà, historiquement, ça sort de quoi ? Ça sort de Braudel. Or, Braudel, c'est quelqu'un qui insistait sur le fait que ce qu'on appelle le capitalisme, au sens précis du terme, c'est quelque chose, comment dire, de radicalement extérieur à la société. Hein, c'est quelque chose qui d'une certaine façon, est artificiel, extérieur, qui certes modifie de l'intérieur l'inertie des pratiques, l'inertie des institutions, l'inertie des interactions, mais qui fondamentalement les modifie de l'extérieur et sans pouvoir les réduire absolument. Il me semble que l'héritage braudelien de ce point de vue-là se perçoit encore chez des auteurs comme Wallerstein ou d'autres, qui insistent sur le fait que le capitalisme monde est une totalité hiérarchisée. On pourrait aller plus loin, hein, on pourrait aller plus loin et considérer que cette totalité n'est qu'une totalité faible. Insister sur le fait que, comment dire, le capitalisme monde est une unité émergente, approximative, essentiellement souple, toujours en voie de recomposition, de réinvention, toujours en voie de réabsorption. Mais ce n'est pas sa seule dimension, sinon on est totalitaire. Cette idée extrêmement simple et extrêmement parlante sur le plan intuitif, c'est évidemment elle, par exemple, qui répond à notre interrogation sur le point de savoir pourquoi le néolibéralisme a si bien survécu à la crise financière de 2007-2008. Hein, cette idée d'une souplesse essentielle, d'une puissance multicentrique de recomposition, qui, à mon avis, encore une fois, n'est pas solidaire d'une vision diabolique ou totalitaire de l'affaire. L'idée qu'il y a des cohérences, des connivence en voie de recomposition perpétuelle. C'est cette idée extrêmement simple que le capitalisme est réinventé dans chaque lieu, à chaque moment de son histoire, qu'il a une puissance d'absorption de la créativité humaine, c'est évidemment ça le point essentiel, et de la créativité sociale, qui est tout à fait impressionnante. Cette idée très simple nous conduit aux portes d'une ontologie des totalités faibles, des cohérences approximatives, des cohérences molles, pour autant pas inefficace. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, de nouveau, on voit que une discussion de type ontologique classique autour des formes de cohérence allant entre l'extrême de l'homogénéité radicale et de l'hétérogénéité totale me semble pouvoir être introduite ici comme, comment dire, justification. Hein, justification de l'espèce de confiance généreuse que nous pouvons faire encore aujourd'hui à la catégorie de capitalisme contre les crainte exprimée par Bruno Latour. Je vous remercie. Merci Stéphane pour cet exposé. Je pense que ça nous a permis de voir se dégager deux approches différentes, mais qu'il est vraiment intéressant pour nous d'étudier. Une approche, disons, qui serait celle de Latour et qui cherche à analyser la spécificité ou le propre un certain nombre de relations dans ce qu'elles ont de particulier dans leur mode d'être, alors que vous proposez plutôt de se focaliser sur l'ontologie ou le mode d'être d'entités qui peuvent exister aussi indépendamment des relations qu'elles génèrent. Et donc on a là deux échelles ou deux approches qui semblent vraiment intéressantes de confronter. Donc pour faire cette confrontation, Olivier va prendre la parole. Alors, je ne sais pas si ça va être tant une confrontation qu'une confirmation à certains points, puisque je ne m'attendais pas à tant de richesse dans ton exposé. Du coup, tu as répondu à certaines questions que je voulais te poser, ce qui va simplement me permettre de peut-être porter à la conscience commune un certain nombre de questions et de thématiques que j'ai extraites de ton dernier ouvrage, Penser le néo-capitalisme, et puis l'occasion aussi de confronter ce que je maintiendrai dans l'ordre de la qualification comme un certain style d'ontologie sociale que tu pratiques, aussi bien que des gens comme Frédéric Lourdon, selon deux orientations différentes, que vous pouvez avoir l'occasion de le préciser. Olivier, est-ce que je peux vous demander tout de même de nous dire, à un moment où vous choisissez, bien sûr, en quoi il a répondu aux questions que vous... Ah oui, bien sûr. Oui, je vais le signaler au fur et à mesure. Bien voilà. Sûr. Je vais revenir peut-être un petit peu plus à la problématique ontologique. Quoi. C'est un petit peu ma pente, et je crois la pente de certains dans le séminaire. Je dirais pour commencer que le mode polémique de l'argumentation latourienne qui tend à un panorama ontologique et ton propre projet critique, qui est spécifié quelquefois dans ton bouquin comme ontologie sociale, ont tous deux en vue ce que vous appelez les transcendances, ce qui sont pour Latour des transcendances mineures. Je parle à ce sujet de moments de la pratique dans lesquels le mode de l'habitude prend le relais, le mode de l'habitude qui voit les étapes qui président à l'incorporation de la pratique. Tu parles plus volontiers de ce qui est de l'ordre d'une autoconstitution, c'est-à-dire tu lis la transcendance de certains objets sociaux, ou d'entités sociales, à une autoconstitution. Alors pour éclairer ça, il est bon de dire que, il me semble utile de préciser que tu as une approche volontiers systémique dans Penser le néo-capitalisme de l'ensemble de phénomènes qu'on recouvre sur le terme de capitalisme. En sens, on peut penser que quand on a affaire à des interactions de type capitaliste, on a affaire, et c'est de plus en plus le cas de la financiarisation de l'économie, à des sortes de boucles systémiques, c'est-à-dire des sortes de modes d'interaction sociale qui s'isolent de la productivité et du bien commun. Boucle systémique dont l'opacité est autant due à leur mode de surlégitimation par l'économie officielle qu'à leur complexité quasiment inabordable pour le commun des mortels. Alors ce diagnostic que tu étends au-delà de la sphère de la finance, ce diagnostic qui prend en compte ces boucles systémiques, disons ces espèces de transcendances mineures, ces objets autoconstitués qui s'extraient du commun, de la production, de la collectivité, ces objets donc relèveraient selon toi du point de vue ontologique d'une finalité à part entière. Parlant d'autoconstitution, il me semble qu'on s'oriente en effet vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une logique des fins particulières, ou pour le dire clairement, il y aurait des fins propres à ces boucles systémiques qui ne sont pas celles des communautés au sein desquelles elles se déploient. Je me poserai à ce point cette question. Est-ce qu'il faut, contre ces captures ou ces enrôlements programmés des ressources communes, déployer une ontologie sociale au sens où le Marx des manuscrits de 44 l'entendait? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut déployer une ontologie sociale qui serait une exposition de l'aliénation des forces vitales élémentaires? Et est-ce qu'il faudrait donc reconsidérer qu'un argumentaire naturaliste est possible sur ce qui viendrait avant ces captures du capitalisme? C'est-à-dire qu'on aurait une figure positive du naturalisme qui est plus celle de l'économie néoclassique, dans laquelle on réifie des objets ou des boucles systémiques aliénantes comme absolument nécessaires et ne relevant pas de l'historicité. On a une figure du naturalisme sur ce qui exposerait les forces vitales élémentaires qui seraient captées ou capturées par ces dispositifs systémiques. Auquel cas, il me semble que l'ontologie sociale se fait volontiers garante de ce que pourrait être l'exposition d'une vie post-capitaliste, en faisant un détour par l'exposition de ce que serait une vie sans l'expansionnisme économique d'une classe privatisante, comme c'est le cas dans la dynamique capitaliste. Alors, ce qu'on a ainsi, c'est pour moi une pensée post-métaphysique qui se déploie indépendamment de la question économique, à savoir indépendamment pour nous de la proposition de modèle de régulation de la spéculation financière et de redistribution des ressources. Alors, pour dire ça simplement, la question est finalement, pour moi, quel est le rôle d'une ontologie sociale dans un projet plus large d'émancipation relatif à ces captures capitalistes, si ce n'est une opération interne aux disciplines qui ont affaire au social? Ce serait la position aujourd'hui de Frédéric Lourdon qui, dans La Société des Affects, récapitule sa position. Et il dit finalement que pour l'économiste ou le sociologue au travail, L'économiste ou le sociologue au travail ne saurait intelligemment pratiquer la théorie sans faire un détour par une bonne hypothèse spéculative, à même de contrer la promotion hypocrite de l'individualisme radical propre à la gouvernance néolibérale de l'économie. Là, c'est plutôt un premier moment pour essayer de définir ce qu'on fait avec l'ontologie sociale dans ces problématiques de critique du capitalisme, quoi. Donc, à cet égard, tu opposes aussi les savoirs des sciences historiques, donc toujours dans pensée néo-capitaliste, tu opposes les savoirs des sciences historiques, sociales et économiques à une perspective de longue durée, que tu as évoquée via Braudel et Wallerstein. Perspective de longue durée qui serait celle du discours ontologique sur le social. Pour le dire rapidement, tu reproches au discours sur la propriété privée des moyens de production, sur l'état de la lutte des classes, sur la différenciation des activités économiques, bref, tu reprocherais au marxisme orthodoxe, me semble-t-il, de donner un diagnostic trop pauvre au point de vue ontologique sur ce qui serait une dynamique d'ensemble, un régime de métamorphose qui, à tort, peut être désigné comme une puissance aveugle, voire une puissance mauvaise, plutôt qu'une collaboration de pouvoirs méchants, comme dirait Deleuze. Là, je dois avouer quand même, j'ai encore du mal à saisir ce qui relie la perspective ontologique à la perspective de la longue durée qui est liée à l'historiographie de l'économie monde chez Braudel d'une part et conséquemment à la théorie du système monde chez Wallerstein. Et ma question serait finalement, est-ce qu'il s'agit de dire que persiste dans les sciences sociales des essences, le capitalisme, la classe dominante, etc., qu'il s'agit de dissiper, sciences sociales critiques, qu'il s'agit de dissiper en exposant l'historicité des structures qui rendent possible les dynamiques aliénantes de l'expansionnisme économique de type capitaliste ? Alors, sens, on pourrait voir dans cette tentative de dissipation de ces essences rémanentes une reconduction du structuralisme vers un structuralisme que j'appellerais dynamique, c'est-à-dire un structuralisme appliqué aux objets que les sciences sociales désignent explicitement sous le terme de capitalisme en leur redonnant une historicité. Il t'arrive ainsi de rendre hommage à la théorie des systèmes dynamiques comme celle de Beinhoker qui réfute les modèles néoclassiques et pour le dire rapidement, leur postulat d'optimalité des conditions et de rationalité intégrale des agents. Théorie des systèmes dynamiques qui embrasse un modèle plus volontiers évolutionniste, centré sur une analyse de ce que les institutions font de façon extrêmement variable aux agents économiques, la façon dont les institutions produisent des agents économiques qui sont pas exacts, enfin qui ne répondent pas strictement à la définition néoclassique de la rationalité intégrale. Donc est-ce que ce type d'analyse, ce serait là ma question, qui font droit à la perspective d'une alors je parle de Beinhoker par exemple, qui font droit à la perspective d'une sorte de science cognitive de l'agentivité économique et de sa variabilité, sont envisageables comme complément nécessaire de l'enquête ontologique pour toi ou non ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit s'engager toujours dans une supplémentation de l'enquête ontologique par des savoirs positifs ou par le recours à une science normale comme le fait la théorie des systèmes dynamiques avec une sorte de science cognitive de l'agentivité économique ? Tu dis plus avant qu'une vision du capitalisme comme entité homogène doit être modérée par la prise en compte de toutes les opérations de mimétisme auxquelles le capitalisme fonctionne pour générer ce que Lordon appelle plus volontiers une collinéarisation des affects. C'est-à-dire que, bon, dans Pensée néo-capitalisme, tu démontres assez bien à quel point le capitalisme marche finalement aussi à l'affectivité et à quelque chose qui est de l'ordre d'une capture de forme de vie plus élémentaire. Pour le dire plus vite, il s'agirait pour Lordon, par exemple, de l'alignement de l'affectivité des agents mobilisés comme salariés sur celle de l'entrepreneuriat. C'est celle, par exemple, aussi de l'identité d'entreprise qui ménage des paliers symboliques à une dynamique locale d'accumulation par une demande aux salariés d'assimilation d'une culture corporate. C'est ce qui permet à Lordon de se soustraire d'un discours sur la domination. C'est ce qui tient lieu chez lui d'un discours sur la domination. En revanche, il me semble qu'il n'abandonne pas totalement une certaine théorie de l'aliénation au moment, par exemple, où il parle de ces passages de seuil où l'intérêt basal, celui de la survie dans le salariat, à force de gratification symbolique, devient une adhésion à un désir maître qui serait celui de l'entrepreneuriat ou du capitalisme. De même, dans la société des affects, Lordon, et là c'est une espèce de trait, je dirais, de l'enquête ontologique sur le social d'une manière générale, Lordon passe le relais de l'enquête ontologique, au point de vue spinoziste chez lui, à l'historiographie ouvrière, notamment celle menée par Xavier Vignat. Il me semble qu'il y a là un motif récurrent des théories qu'on classe sous le terme d'ontologie sociale. Axel Honneth, dans sa théorie d'inspiration hegelienne, sa théorie de la reconnaissance, passe le relais aussi aux psychologies, psychologie du développement via Winnicott, psychologie interactionniste via Mead. Il me semble que ton grief à l'égard de théories qui ne thématisent pas l'aliénation pourrait s'expliquer ainsi. Dans une ontologie comme celle de Lordon, ontologie spinoziste, ontologie sociale spinoziste, on pourrait conjecturer que c'est l'historiographie des grands moments de rupture de l'obsequium dominant du capitalisme ou du libéralisme, de la domination en général. On pourrait conjecturer donc que chez Lordon, ce qui prend le relais de l'ontologie sociale, c'est l'historiographie des grands moments de rupture. Par exemple, ça c'est l'exemple de Lordon via Xavier Vinat, la grève ouvrière des LIP à Besançon dans les années 70, où les salariés ont expérimenté l'autogestion de la production, ce qui est retraduit dans l'ontologie sociale de Lordon comme une figure de la reprise du droit naturel du producteur à se réapproprier la production. Alors, ma question serait la suivante. Est-ce que tu dirais à ton tour que ce qui doit supplémenter l'ontologie, c'est un compte-rendu phénoménologique de l'aliénation? Et plus avant, est-ce que c'est une thématisation des pathologies sociales qui doit prendre le relais, ou des troubles psychiques liés à l'aliénation, dont serait trop oublieuse une ontologie qui ne passe le relais qu'au moment héroïque des luttes sociales? Sachant que pour Lordon, par exemple, on peut qualifier une institution par le régime collectif d'affect qu'elle instaure. Ça, c'est le point central, me semble-t-il, de sa théorie spinoziste des institutions. Comme il le fait à la fin de La société des affects, il expose que la révélation de ces régimes collectifs d'affect se fait par la négative, dans les moments de passage de seuil d'indignation que sont les luttes sociales. Alors, on conçoit bien, en ce sens, que les études de psychopathologie de la vie salariée, pour ainsi dire, peuvent se concevoir elles-mêmes comme les lieux d'inscription des moments intermédiaires, des moments de restauration entre les luttes sociales, ou pour reprendre la terminologie de Guattari ou Negri, des moments d'années d'hiver, quoi, entre guillemets. D'autres termes, est-ce que la polarisation spinoziste entre affect triste et affect joyeux, telle qu'elle sert une théorie des institutions, est foncièrement pour toi insuffisante? Est-ce qu'il faut en passer par la médiation d'un discours sur la psychopathologie pour les enrichir? Je finirai enfin par une question sur la tour, et puis j'essaierai peut-être d'ouvrir à la discussion, puisque c'était, je veux dire, le centre, disons, de ton assaut théorique. Donc, dans son mode toujours polémique, la tour livre au chapitre 15, sur lequel tu t'es focalisé, donc de l'enquête sur les modes d'existence, la sentence suivante, absolument insoutenable au premier abord. Je cite: voilà, quand il s'agit de domination, il faut surtout ne pas en rajouter. Voilà. En ce sens, il est proche d'une attitude fondamentale du spinozisme qui se refuse sans cesse à instaurer théoriquement la négativité, qui refuse par exemple l'introduction de la pulsion de mort telle que la présente la psychanalyse dans le diagnostic des sciences sociales, ce que tu défendrais davantage. Mais en un sens, la tour, dans sa propre théorie des institutions et par la notion de script institutionnel, parcourt les dynamiques de légitimité qui strient le champ social selon un modèle hiérarchique jusque dans les détails d'une architecture, ce qui fait aussi la richesse des exemples empiriques de cette enquête. En sens, au point de vue latourien, tout se passe dans une distribution inégale de l'écriture des scripts. Voilà ce qui serait un peu la sentence ultime de sa théorie des institutions. S'il faut parler de domination, il ne faut pas trop en faire, il faut davantage parler d'une distribution inégale de l'écriture des scripts. Chaque agent social opère selon un certain script qu'on peut référer à un répartiteur que serait une institution donnée, quoi. Et ce sont précisément les dynamiques de légitimation qui pilotent la redistribution sociale des rôles et par extension la redistribution économique chez la tour, ce qui explique peut-être qui traite la question économique en dernier lieu. Donc c'est peut-être Il est peut-être important de resituer cet optimiste théorique, pardon, il faudrait citer Latour, bon, je ne sais pas si on a le temps, mais en un sens, il me semble que Latour, tu ne seras sans doute pas d'accord, semble comme toi vouloir destituer ce qui, dans la théorie, participe d'une essentialisation dynamique systémique qui sont par définition variables. Et c'est sans doute là que se trouve l'intérêt de son style polémique en sciences sociales, me semble-t-il, en sens qu'il opère, disons dans le chapitre 15, alors on doit être aux pages 420-421, j'espère qu'on va pouvoir citer le passage, ce que Peter Allward appelait, après quelques théoriciens français comme Badiou ou Rancière, une sorte d'axiome de l'égalité propre à soutenir les dynamiques d'émancipation. Mmh. En ce sens, on pourrait comprendre cette sentence latourienne, ne pas trop en faire quand il s'agit de la domination, comme une autre modalité d'affirmation d'un axiome de l'égalité dans l'ordre de la légitimité, dans la distribution des places sociales. Voilà. Tu me laisses... Merci beaucoup pour cet ensemble de remarques extrêmement riches et extrêmement denses. Je ne vais guère pouvoir que reprendre un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, un acte de modestie non fin. Hein. Je ne me compare pas à un objet comme celui-là. C'est-à-dire, pour le dire très concrètement, j'ai découpé dans la série des objets pensables possibles celui qu'on avait l'habitude de rattacher à la catégorie de capitaliste. C'est-à-dire, je ne situe pas à aucun moment mon propos au niveau d'une espèce d'ontologie générale ou d'ontologie du social. Il y a des objets à penser, il y a des événements à saisir, il y a... Si loin que je me situe, comment dire, de la tradition de la théorie critique francfortoise, qui pourtant a été très importante pour moi, j'ai gardé quelque chose de ce truc-là quand même. C'est l'idée que il y a une spécificité, disons, du regard sur le présent historique. Hein. Il y a une spécificité sur le regard du présent historique qui attire à lui seul la pensée, qui sollicite la pensée. Et donc, ce que je veux dire, moi, je ne suis pas parti d'un projet englobant ou d'un projet métaphysique ou d'un projet ontologique. Je sais que, comment dire, c'est quelque chose qui peut se faire, qui est très intéressant, et je lis avec beaucoup d'estime et d'admiration mes collègues qui s'engagent sur ce terrain-là. Moi, je suis parti de l'existence d'une positivité historique, je suis parti de l'intuition que avec les formes contemporaines de ce qu'on appelle le capitalisme, il y avait une réorganisation du paysage du pensable pour quiconque s'intéresse au social, en théoricien social, en sociologue ou en philosophe. Donc d'emblée, je suis parti d'une espèce de postulat présentocentrique selon lequel il y a des choses qui s'avancent vers nous avec une originalité d'apparence suffisante pour que nous décidions, mais au sens d'un décisionnisme pur, hein, pour que nous décidions que ça nous intéresse. Et qu'il faut essayer de réfléchir au caractère relativement spécifique de ce truc-là. Et donc voilà, je me situe à un niveau qui est vraiment par rapport à tout ce que peut faire la tour, 10 000 km plus bas, quoi, le nez sur la moquette, quoi, hein, c'est très clair, c'est, pas plus que ça. Ce qui fait que pour moi, t'as raison, est-ce pas, comment dire, par conformisme ou par bêtise que j'emploie de temps en temps la notion d'ontologie sociale ? Je dirais que, en tout cas, tel que je le ressens aujourd'hui, c'est pas très, très, très profond, quoi, comme engagement. J'ai envie de dire, c'est ça. Il y a un moment où il faut faire l'effort. C'est ça qu'on peut faire en philo sur le capitalisme. Il y a certainement plusieurs choses à faire, mais une chose que l'on peut faire, c'est essayer de montrer que pour penser globalement tous ces trucs-là, nous mobilisons des schèmes de pensée, des styles de pensée qui se rattachent en dernier lieu à des catégories structurantes, quoi, au sens le plus banal du terme de la notion de catégorie. Et une des choses que l'on peut se proposer de faire, c'est de montrer que parmi toutes ces catégories essentielles pour penser la nouveauté, l'originalité de ce qu'on appelle néo-capitalisme, toutes ne sont pas sur le même plan. Il y en a qui sont peut-être un peu plus englobantes, un peu plus intéressantes, un peu plus fécondes, et donc une vocation à se subordonner les autres, mais d'une façon non méchante, quoi, hein, c'est-à-dire à affirmer qu'elles ont peut-être plus de choses à dire et que les autres ont un petit peu moins à dire. Non pas au sens de l'exclusivité, mais au sens d'une puissance d'irradiation peut-être supérieure. Et le but que je me suis proposé, c'était de montrer que l'idée de puissance aliénée, hein, l'idée de force qui se sont émancipées de la vie sociale, et qui se sont affranchis d'un certain nombre de contraintes et de limites, et qui désormais sont lancés, mus par le seul moteur de l'auto-affirmation illimitée. J'ai montré que ce schéma-là, qui est d'une simplicité mythique, pour ainsi dire, absolument évidente, et qui, par ailleurs, dans l'histoire de la théorie sociale, a été à nombreuses reprises utilisé. J'ai montré que ce schéma-là méritait d'être considéré encore aujourd'hui comme le meilleur des schémas directeurs. S'il fallait désigner un principe un petit peu plus intéressant que d'autres, un petit peu meilleur que d'autres, un petit peu plus capable d'organiser de façon architectonique l'ensemble de nos réflexions là-dessus, c'était encore celui-là. Mais avec toute la modestie que ça impliquait, avec l'idée que ce schéma directeur avait des limites, avait des zones d'ombre, avait des choses qu'il ne pouvait pas penser, qu'il y a d'autres façons de penser. Et j'ai envie de dire, c'est, pour reprendre une formule kantienne, c'est le texte unique de mon ontologie sociale. C'est le texte unique de mon ontologie sociale. C'est simplement cette thèse de l'imminence, de l'imminence relative, de la supériorité relative, en soulignant 15 fois l'adjectif, du schéma de l'aliénation objective que j'ai voulu défendre et illustrer dans le livre. Et donc, tu vois, dire ça, c'est vraiment... ça veut dire que je ne m'installe pas dans le terrain de l'ontologie sociale, je ne sais pas, comme on peut le faire Livet ou des auteurs comme ça, en disant que voilà, il va y avoir des problèmes tout à fait spécifiques qui vont apparaître, qu'on va réfléchir à longueur de page compliquée sur l'articulation du collectif, du singulier, des événements, des institutions. J'ai cette entrée-là et je m'y limite. Pour le reste... Pour le reste, ma matière est historique. Pour le reste, l'idée d'une ontologie sociale anhistorique, qui est la pente naturelle, disons, de la philosophie analytique, hein, l'idée d'une ontologie sociale anhistorique ou faiblement historique, style Searle, parlons de l'argent, quoi, hein, au détour d'une page, bon, comme si ça sortait de nulle part, à faible contenu historique et empirique, mais complètement étrangère. Tu vois, j'ai simplement... C'est une incursion, une intrusion, qui ensuite commande, contraint, dessine des pistes, mais pas plus que ça. Donc, ce que j'appelle... Ontologie sociale, pour moi, c'est jamais qu'une inflexion de ce qu'on appelle théorie sociale. Hein. Personnellement, je la citerais plutôt du côté s'il fallait absolument choisir, mais c'est des questions de découpage disciplinaire qui sont complètement contingents et au fond très très inintéressantes. S'il fallait choisir à toute force, je dirais que l'ontologie sociale c'est un département supplémentaire dans le grand cercle de la théorie sociale qui lui-même est étendu puisqu'il comprend des moments philosophiques, des moments plus empiriques. C'est pas quelque chose qui relève du prolongement d'un projet ontologique général. Hein, il y a la théorie sociale dans sa puissance d'affirmation propre. L'ontologie sociale, ce qu'on peut appeler ontologie sociale avec les guillemets, c'est une façon de préciser un certain nombre d'idées, de préciser la nature des catégories ultimes qu'on met en œuvre. Alors, je ne sais pas si ça répond à quelques-unes de tes préoccupations, mais au moins, je voulais insister là-dessus. Mmh. Maintenant, deuxième chose, j'ai été frappé dans ce que tu disais, la question du post-capitalisme. Je pense qu'il faut la jouer modeste sur cette affaire-là. Hein. Je vais dire des choses très très simples. Quand on ne sait pas ce qu'on veut exactement, quand on ne sait pas ce qui pourrait exister exactement après le monde que nous connaissons, il faut de toute façon être très prudent. L'idée d'un dépassement des contraintes propres au monde capitaliste me semble pas du tout impensable, illégitime. Il faut aller là-dessus. Mais ce que je refuse, c'est l'idée que ce soit une prémisse de la réflexion. Ça doit plutôt être la cerise sur le gâteau, la conclusion aporétique d'une série de réflexions que nous menons. Par ailleurs, encore une fois, parce qu'il nous manque, je dis pas la forme de vie dans ces détails, il nous manque une liste suffisante de caractères qui permettrait à une société de type complexe d'être en même temps post-capitaliste. On a des pistes, on a des leviers, on a des idées, on a des intuitions, elles sont nombreuses, elles sont riches, il faut les continuer à les faire exister. Mais il y a quand même, me semble-t-il, une limite qui impose absolument à notre réflexion un geste de distance face à l'affirmation, massive et doctrinale ou dogmatique qu'il y a quelque chose de possible après et de très différent de ça. Nous ne savons pas ce qui viendra derrière. Voilà, l'idée qu'il y aura des héritages capitalistes dans le socialisme est une idée marxienne. Hein, il n'y a pas l'idée d'une rupture absolue qui ferait que une césure radicale. Simplement, la différence avec Marx, c'est que nous ne sommes pas capables de mettre un nom sur les éléments des sociétés présentes qui pourront, sans introduire des perturbations insupportables qui pourront survivre. Nous ne sommes pas capables de faire la liste de ce qui pourra être écarté et intégré. Ça me semble être un caractère tout à fait décisif. C'est pour ça que la notion d'émancipation ne me semble pas ici requise de façon primordiale. Hein. S'émanciper de quoi? Quand on ne sait pas de quoi on veut s'émanciper, il faut faire attention au concept lui-même. Et enfin, domination. Oui, alors, au fond, ta thèse, c'est que Latour est n'est pas un théoricien de la domination. Ça ne l'intéresse pas, hein, mais on ne peut pas parler de tout, donc on ne va pas lui reprocher. Hein, mais que c'est un théoricien de potentiel, on va dire, de l'inégalité. Oui, alors, c'est comme d'habitude, chez Latour, il y a des engagements normatifs parfois très puissants, hein, très, très forts, mais qui sont pas assumés comme tels. Hein, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il me semble que tout ce que raconte Latour sur l'écologisme, sur le capitalisme et l'économie, ne tire en dernière instance que si on a en tête tout ce qu'il a fait lui-même dans Politique de la nature, bref, si on a en tête le fait que cette redéfinition des buts et des fonctions de la science économique n'a de sens que par rapport, disons, aux nouvelles exigences liées aux crises environnementales massives que nous connaissons. Elles n'ont de sens que si on prend en compte la richesse, la diversité et la socialité des non-humains. Mais alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une disproportion gigantesque, sauf si je me trompe, entre la complexité de l'appareil théorique et ce par quoi il tient au réel politique en l'occurrence, c'est-à-dire un acte... Là aussi, une décision politico-philosophique d'intégrer le non-humain et d'ouvrir l'espace de ce qui est admissible comme social. Ben, je dirais c'est un peu pareil avec la question que tu poses et de façon très juste. Je crois qu'effectivement, c'est un théoricien de la richesse de la communauté. Hein, c'est un théoricien de l'ampleur des liens. Hein, c'est pas un hasard si le vocabulaire tardien est très présent dans les derniers. Chapitres du livre. Hein. Il y a cette espèce de vitalisme relationniste typiquement tardien qui, me semble-t-il, éclaire le texte. Mais c'est plus un penseur de la richesse des interactions comme valeur en soi, hein, un vrai vitalisme, un beau vitalisme, hein, qu'un théoricien de l'égalité. Il faudrait réussir à montrer que, mais c'est pas son boulot, il faudrait réussir à montrer que un certain idéal égalitariste est impliqué par ce communautarisme vitaliste néo-tardien. Ce qui n'est pas impossible à mes yeux, mais qui n'est pas son objet, qui n'est pas fait dans le livre. Je pense que c'est ça. Ce que tu dis serait justifié si on réussissait à montrer que les bonnes communautés sont non seulement riches, énergique, aventureuse, généreuse aussi, puissance d'élargissement, hein, mais que tous ces processus supposent une forme d'égalité. C'est peut-être dans le texte et tu as donné des pistes très intéressantes, mais j'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est pas au premier plan et donc c'est difficile de dire qu'il y ait quelque chose à nous donner à la place d'une théorie de la domination défaillante, en tout cas absente. Sachant que je pense que c'est peut-être une lecture symptomale que d'aller chercher les moments de position normative qui tiennent chez Latour dans un dispositif ontologique qui est très large. Ouais. Mais qui en même temps, à mon sens, sont quand même présentes pour assurer la cohérence de l'ensemble. Enfin. Merci. Merci à tous les deux. Alors on va ouvrir la discussion avec la salle. Je pense que c'était vraiment intéressant de voir quels étaient les enjeux de produire une ontologie sociale. Notamment en ce qui concerne justement la pensée de la domination et ces questions-là. Alors peut-être pour ouvrir le débat, je voudrais poser une première question pour lier la question de l'ontologie sociale à notre deuxième thème du séminaire, à savoir le thème de la pratique. Parce que quand vous définissez l'ontologie sociale comme l'idée qu'on a des forces émancipées et nues d'elles-mêmes, une sorte d'auto-affirmation illimitée, finalement ça permet de comprendre ce qui va distinguer, disons, l'objet capitalisme d'un certain nombre d'autres objets économiques politiques. Et en même temps, donc on voit comment émerge un être, c'est vraiment l'aspect ontologique de la chose, et en même temps, on a du mal peut-être à relier ça à la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de vivre dans un système capitalisme, quelle pratique ça entraîne d'avoir des êtres émancipés qui dictent les choses comme de l'extérieur, comme vous dites à un moment dans pensée de néo-capitalisme. Le fait de sentir qu'on a des forces extérieures qui organisent l'action, quelles influences ça a sur la pratique. Et donc, en fait, le deuxième versant de ma question, c'est est-ce qu'on pourrait penser une sorte de phénoménologie du capitalisme qui serait pertinente, contrairement à celle que Michel Henry propose. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui serait un certain vécu, une certaine pratique du capitalisme et qui permettrait en fait de faire une sorte de réconciliation avec la tour en montrant qu'il y a bien une richesse et une diversité des pratiques et des relations possibles à l'intérieur de cet objet particulier. Je ne sais pas si je vais répondre à toute la question, mais je vais prendre un exemple. Il me semble que ce que font les sociologies ou les psychosociologies du travail, c'est précisément ça. C'est-à-dire, les sociologies ou les psychosociologies critiques du travail. Alors, pour en rester à des exemples francophones, Jean-Pierre Durand, Christophe Dejour, tous ces gens-là, ils décrivent concrètement, phénoménologiquement, le mot me plaît, hein, ce que ça veut dire que de vivre, par exemple, à l'intérieur d'un cadre entrepreneurial qui est sous des pressions nouvelles et qui conduisent à l'augmentation des pressions sur le salarié, à une espèce d'accélération du rythme des activités, à des formes, Olivier y a fait allusion, à des formes d'adhésion contrainte. Il me semble que la sociologie du travail, avec tous les instruments concrets et descriptifs qu'elle nous a proposés ces dernières années, peut être le paradigme, n'est-ce pas, d'une représentation de ce que ça veut dire que de n'être que passif ou hétéronome, hein, par rapport à des puissances détachées. Moi, j'insiste là-dessus aussi, c'est que bon, la notion de puissance détachée, elle est très abstraite et elle est très compliquée, mais on peut dire que par rapport à Marx, ce qui a changé pour nous, c'est que nous sommes moins tentés que lui d'hypostasier le capital avec un grand C, comme ce sujet automatique, hein, comme il dit dans le chapitre 4, hein, qui serait le nom même, hein, le nom du titulaire, hein, de cette puissance émancipée. Pourquoi ? Parce que, comme l'ont noté d'ailleurs les marxistes depuis le début du XXe siècle, notre temps, c'est celui, depuis le début du XXe siècle, des entreprises, quoi. Des grandes entreprises, des entités qui n'existaient pas au sens contemporain du terme, à l'époque où Marx existait. Ce que je veux dire par là, c'est que si on disait que certaines entreprises, dont l'impact social est suffisant, si on les représentait comme l'exemple même, l'exemple typique ou le modèle permettant d'esquisser ce qu'est cette force qui en gros ne répond qu'à des impératifs d'autoreproduction élargie, hein, ça serait pas du tout illégitime. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines entreprises peuvent être vues comme actuellement le modèle même de puissance émancipée, comme si en quelque sorte elles avaient repris au détail cette dynamique de l'ensemble de ce que Marx appelait le capital avec un grand C, certes en disant qu'il y a au bout du compte des formes individualisées, mais en croyant quand même qu'on pouvait poursuivre la réflexion assez loin en restant au singulier, quoi, le capital. Nous avons désormais une réflexion sur le pouvoir de l'entreprise, ses pouvoirs de nuisance, à la fois environnementale et sociale. Je raconte des choses très banales. Que le pouvoir environnemental et social, c'est-à-dire politique de l'entreprise, peut être vu comme l'exemple même de ce que ça fait concrètement que de vivre dans une société où le modèle ontologique abstrait des puissances émancipées est incarné. Ça veut dire que, de ce fait-là, si j'opère ce détour par une espèce de concrétisation de la réflexion sur la notion de puissance émancipée, ça veut dire que ça rend encore plus dense, encore plus intéressante, la réflexion sur l'expérience du travail. L'expérience du travail contraint, l'expérience du travail post-taylorien, l'implication contrainte, hein, comme disent les sociologues, les formes d'accélération, les formes de surenchère, c'est très intéressant, hein, la psychologie du salarié, vivant dans l'univers de la surenchère. C'est au fond la définition du néolibéralisme. Hein. Une des définitions possibles du néolibéralisme, c'est celle-ci. C'est une forme de capitalisme dans laquelle l'exigence du toujours plus, l'exigence d'expansion illimitée et infinie. Cette exigence se présente comme un impératif à intérioriser par les individus eux-mêmes, à cesser d'être en quelque sorte un horizon social général, la croissance, comme on disait dans l'après-guerre, à cesser d'être une sorte d'horizon social ou d'impératif général, mais désormais demande à la subjectivité de se caler directement sur lui. Demande à la subjectivité de se caler directement sur lui. L'accélération, le consumérisme, enfin voilà, on peut aller jusqu'à une description, disons, de l'univers du travail et accessoirement de l'univers de la consommation qui suit ce modèle-là. Donc voilà, j'ai pas l'impression, en sortant du placard la catégorie de puissance émancipée, j'ai pas l'impression de me situer à un niveau d'abstraction qui soit trop élevé, de telle sorte qu'on ne puisse plus revenir au réel. Il me semble qu'il y a deux arguments qui peuvent l'appuyer. Comme d'habitude, il faut piocher dans le psychique et le social pour y arriver. Un argument relevant de l'histoire économique, hein, l'avènement de la grosse entreprise comme incarnation spectaculaire, hein, de cette puissance d'affirmation effrénée. Et d'autre part, au niveau psycho, quoi, au niveau de l'individu, il faut toujours des arguments dans ce sens-là, l'expérience vécue, disons, ce qu'on appelle banalement les nouvelles formes d'aliénation au travail. Mais aliénation ici étant pris au sens subjectif de l'aliénation vécue. L'expérience de diminution de soi, l'expérience de contrainte, l'expérience des violences propres au monde de l'entreprise moderne. Tout ça me semble être le terrain naturel dans lequel ces choses pourront s'exprimer. Donc oui, il y a ça. L'autre, effectivement, si on est plus foucaldien à la manière de Pierre Dardot et de Christian Laval, en essayant de montrer que les exigences diffuses d'efficacité, de performance, d'évaluation permanente, hein, que ces nouvelles exigences, ces nouvelles contraintes pesant sur les individus sont eux-mêmes, hein, des effets et des corrélats de l'avènement de nouvelles formes économiques. Donc ça pourrait être déplacé et élargi dans ce sens-là, mais il me semble qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs Dardot et Laval le font très bien, il ne faut pas oublier qu'il y a une espèce de primauté cognitive et aussi réelle, effective, de l'univers du travail qui est celui qui, comme à l'époque de Marx, mais sous des formes effectivement très différentes, résume, rassemble, place comme sous une loupe grossissante ce que ça veut dire que d'être soumis à des puissances qui vont toujours plus loin, qui émancipées des contraintes et des limites, poussent toujours leur avantage un peu plus loin et sont définies par une espèce de logique de l'excès, quoi, hein, de l'oubris permanente. Si vous avez des questions. Si vous pouvez revenir juste à la dernière phrase que vous avez dit, que j'ai un peu raté, sur la dimension cognitive. C'est ce que j'ai entendu, qui a une espèce de parallèle entre le vécu cognitif et l'organisation capitaliste, ça serait quelque chose. Quand j'ai parlé du travail, j'ai dit qu'il avait un double privilège. Il a un privilège effectif parce que détachés que nous soyons de la focalisation marxienne sur la notion de mode de production, qui dit capitalisme parle de trucs de travail, de trucs qu'on fait, quoi, des biens et des services que l'on produit. Donc voilà, sans économicisme, à distance de toute surévaluation de l'importance des classes ouvrières ou du prolétariat, on peut continuer, me semble-t-il, à considérer que, puisque nous acceptons le jeu consistant à interpréter les sociétés modernes à travers un concept qui est celui de formes économiques, capitalisme en l'occurrence, la production, ça ne peut pas être loin de nos préoccupations. Ça doit même être très proche de nos préoccupations. Il faut s'y intéresser. Et encore une fois, je crois qu'il ne faut pas voir cela comme la trace comment dire, d'une sociologie marxienne où il y aurait l'infrastructure, hein, le travail, la production, l'usine, comme les lieux où se fabrique la société. Pour moi, ça peut être justifié à un niveau beaucoup plus léger et beaucoup plus détaché de tout ancrage dogmatique. Donc il y a ça. L'idée du primat de la production et de ce qui se passe dans le monde du travail pour guider la compréhension de la société moderne. C'est une évidence même. Sans réductionnisme, sans limitation, sans déterminisme économique que ce soit. Et puis il y a autre chose aussi, c'est un privilège épistémologique parce que ce que j'appelais maladroitement cognitif, ce qui peut être prêté à confusion, c'est l'idée que, j'allais dire, beaucoup de concepts vont acquérir par l'épreuve de l'étude du travail, par l'investissement de l'épaisseur vécue de l'expérience du travail, vont acquérir une dimension qu'elles n'ont pas spontanément. Je veux dire par là que moi je suis assez opposé, je veux donner un exemple pour que mon propos soit plus clair, je suis assez opposé, disons, aux critiques purement culturalistes du capitalisme. Hein, voilà, la critique du consumérisme, voilà, les gens maintenant sont obsédés par l'argent, la consommation. Bon. Au-delà du vernis journalistique et essayiste, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance et qui a de l'importance en particulier même dans la philosophie. Hein. Sloterdijk, par exemple, c'est typiquement, enfin tous les post-heideggeriens, tous les post-nietzschéens sont complètement focalisés aujourd'hui, c'est même peut-être le cas de quelqu'un comme Žižek, hein, sont complètement focalisés sur ces phénomènes-là. J'allais dire, orchestrent philosophiquement une critique. Du consumérisme, des formes de vie et des formes psychiques qui sont impliquées dans le néolibéralisme. Moi, ma thèse, c'est que, si intéressant que ce soit, sur le plan sociologique comme sur le plan psychologique, il faut essayer de mettre les concepts que nous glanons et que nous élaborons dans ces affaires-là, il faut les faire passer par l'épreuve du travail. Exemple, les sociologies de l'accélération. Hein, ça aussi c'est un thème très simple et très parlant. L'idée que le capitalisme contemporain veut que nous allions plus vite, que nous consommions plus, que tout zap, que Internet, nous changions de page toutes les 20 secondes, que nous changions de produit tous les jours, obsolescence programmée, etc. Bon. Ce thème de l'accélérationnisme néo-capitaliste ou néolibéral a sa puissance de description qui me paraît incontestable. Et l'analyse des nouvelles cultures numériques, l'analyse des nouvelles formes d'art, l'analyse des nouvelles pratiques, l'analyse du consumérisme en général me semble pouvoir en bénéficier. Mais j'ai envie de dire, quand on ira voir ce qui se passe sur les lieux de travail, ce que ça veut dire que l'emploi du temps des gens, les contraintes temporelles qu'on leur impose à la chaîne par exemple, ça existe encore la chaîne, hein, c'est encore un objet d'investigation sociologique passionnant, ou dans les services, hein, je ne sais pas, pensez aux caissières, hein, c'est un exemple sociologique fréquemment mobilisé, les caissières de supermarché, la réflexion sur les cadences de travail, hein, la réflexion sur la pression qu'imposent les nouvelles cadences de travail, ça me semble encore aujourd'hui constituer un moment où nos concepts généraux, nos concepts sociologiques et critiques vont rencontrer le réel, vont rencontrer un effet de réel puissant parce qu'il est ancré dans un vécu, le vécu du travail, qui lui-même résonne de façon psychique, d'une façon extraordinaire. Voilà, ma prémisse, c'est que, sans du tout recourir à une métaphysique marxiste du travail, ou des choses comme ça, hein, c'est l'idée que au travail, il se passe des trucs vachement importants pour les gens, quoi. C'est très clair, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Et si j'introduis cette prémisse anthropologique massive et très simple, ça veut dire que la critique du capitalisme, elle doit être capable de montrer comment elle se raccroche à une analyse de ce qui se passe dans le monde du travail. Alors des fois ça ne marchera pas, on ne peut pas tout ramener à ça. Hein. Mais voilà, avec l'exemple de l'accélérationnisme, me semble-t-il, on a un principe de décentrement par rapport à une fascination face à la culture néolibérale qui me semble s'imposer. Là aussi, ça rencontre la question de Daphné, c'est-à-dire le moment où nos concepts ontologiques, ou la question d'Olivier, le moment où nous touchons la Terre, quoi. Et la Terre, c'est toujours pareil, c'est l'expérience. C'est le vécu, ou encore, et là aussi, pour moi, c'est un concept central, c'est la souffrance. La notion de souffrance au travail est devenue une tarte à la crème aujourd'hui, c'est très clair. Mais en même temps, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Le lien souffrance-travail, qui est un rapport profond, hein, Christophe de Jour l'a exploré de façon très, très brillante et très riche, le lien souffrance-travail est une des manières aussi de suggérer que le retour à l'expérience du travail, de l'expérience de l'emploi, est un lieu tout à fait crucial dans toutes nos affaires. Pas le lieu unique, mais un lieu crucial. Il y a tellement de choses que c'est difficile, mais, donc je vais essayer de faire un petit peu le point pour moi-même. Je le fais un petit peu à haute voix. Alors j'ai l'impression, parce qu'effectivement, cette question de l'ontologie du capitalisme, du rapport entre une interrogation ontologique liée effectivement à ce que vous appelez vous les pratiques, hein, et puis la réflexion sur le capitalisme à laquelle tu participes. Effectivement, elle peut être prise par bien des angles. Et j'étais d'ailleurs assez intéressé par l'angle un peu inattendu, à vrai dire, pour moi, par lequel tu l'as pris. Parce que finalement, ce que tu as réfléchi, c'est le problème de l'existence du capitalisme, donc la catégorie capitaliste, à quoi ça correspond, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à ça, ou est-ce que c'est une sorte de... D'ailleurs, je crois que tu as parlé d'être de raison, d'entité fictive, etc. Après tout, pourquoi pas, hein, c'est pas si grave non plus. Il y a des êtres de raison très utiles. Donc on peut, ça pourrait être tout à fait légitime. Hein, le capitalisme, on s'en fiche un peu de savoir si ça existe ou pas. C'est important que la catégorie opère. Et elle opère tout ce que tu peux d'ailleurs nier, notamment elle permet par des abstractions, c'est une pure abstraction qui permet de mieux comprendre des expériences concrètes, comme celle de l'aliénation subjective, etc. Mais bon. Quand même, malgré tout, il m'a semblé que tu avais envie de dire « Non, non, ça existe quand même. » Il y a quelque chose de l'ordre de la réalité qu'il faut prendre en compte. Et donc, en fait, il me semble qu'il y a eu deux enjeux, alors ontologiques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement « ça existe », mais ça oblige à repenser ce que « exister » veut dire. L'un porte sur le tout et la partie, et l'autre porte sur l'un et les multiples. Oui, exactement. Donc, sur le tout et la partie, tu... Alors, je ne sais pas si j'ai envie de te demander de développer ça, mais peut-être que oui, parce qu'en fait, finalement, tu n'as pas dit. Tu dis, ça redonne des couleurs au holisme. Mais quelles couleurs ? Et donc, ça, c'est un premier point. Donc, le tout et la partie. Bon, sur l'un et le multiple, c'est un peu plus précis, parce que tu as parlé de l'ontologie des totalités faibles. Mais en même temps, on sent quand même que ça veut dire pas trop ontologique. L'ontologie des totalités faibles, je pose la question. Oui, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, j'avais l'impression que ça voulait dire totalité, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une caractérisation positive quand on parlait? C'est ça, c'est faible, est-ce que ça veut dire un peu moins que, ou est-ce que c'est au contraire un autre genre de... C'était positif. Pour Stéphane. Oui, j'imagine que c'était... Je ne sais pas, je pose la question. Et si c'est positif, alors, est-ce que c'est... Quel genre de positivité ça a, cette faiblesse, hein? C'est très beau, évidemment, quand tu as dit ontologie des totalités faibles, je trouve ça très beau. Je suis toujours, évidemment, défait par la faiblesse. Hein. Mais, donc voilà, donc ça, c'est le premier aspect. Alors, je voudrais juste... Enfin, bon, donc là, tu vois qu'il y a deux questions de clarification, mais je voudrais aussi t'opposer, enfin... te confronter, mais à des choses que tu connais très bien, mais d'autres manières d'appréhender cette question. Alors, tu les as évoquées. Alors, il y a la question des ontologies sociales. Alors, je ne parle pas du tout d'ontologie analytique. Ça, on l'oublie. Je parle des ontologies marxistes. Par exemple, Castoriadis. Il y a des gens qui ont fondé la critique du capitalisme sur des enjeux d'engagement ontologique très forts. Alors, on peut se demander, même si d'ailleurs, Marx lui-même... des allusions à Michel Henry, mais bon, c'est sa version phénoménologique, mais la version ontologique, on la trouve chez Castoriadis. Des théories d'aliénation qui sont profondément liées, effectivement, à une ontologie de l'être comme faire, de l'être se faisant. Et aussi, du coup, à une ontologie profondément historiciste, en même temps qui est intrinsèquement sociale, qui recuse la séparation de la nature et de l'histoire. Enfin, ça fait beaucoup de gros machins ontologiques, en réalité, en fait, dans la tradition marxiste. Alors, question, est-ce que tu te sens engagé quand même? Parce que c'était assez beau quand tu as dit, en fait, moi je m'occupe de l'événement qui vient là, le capitalisme. Le présent. Au présent. Ce qui m'intéresse, c'est cet événement-là, bon, l'ontologie. Mais comment tu vois le fait qu'il y a eu dans la tradition marxiste un tel besoin, et à commencer par Marx lui-même, finalement de gestes spéculatifs très forts, notamment le refus de l'opposition de la nature et de l'histoire, qui est passé quand même à travers. Et puis, donc ça c'est un deuxième point. Alors un troisième point qui est connecté, c'est la question de l'aliénation, en effet. Et la question de l'aliénation a des enjeux ontologiques qui ne se réduisent pas, je pense, à la question simplement du holisme. Je pense en fait tout simplement, alors là peut-être tu vas me détromper, mais je pense au thème du fétichisme de la marchandise en fait. Parce que là, les phrases de Marx, feraient rougir normalement de plaisir Bruno Latour, puisque Marx est en train de décrire un monde dans lequel les choses communiquent, elles sont je ne me rappelle plus des formules, enfin, tout le monde les a plus ou moins à l'esprit, comme ça, cette atmosphère dans laquelle les choses dialoguent, et puis en même temps les personnes deviennent des choses, enfin, il y a tout un monde dans lequel bon, les objets sont. Alors, donc fétichisme de la marchandise et en même temps rapport entre l'objet et la valeur, puisque l'objet devient en fait un opérateur de valorisation. Et là, je pense aussi à la question de la subvention réelle. Est-ce que là, il n'y a pas tout un ensemble de réflexions à proprement parler ontologiques dans lesquelles, si on veut, au fond, aujourd'hui, il faut aller très loin. Enfin, il faudrait dire que la réalité, le capitalisme, c'est pas simplement un mode d'organisation humain, c'est vraiment un mode de production de la réalité. Et je pense que les points que tu signalais là, qui font qu'à la fin de son livre, Bruno Latour renvoie à l'écologie, ça, c'est pas un détail cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mode de production du monde, quoi. On parle d'anthropocène, pourquoi pas, mais je me demande si l'anthropocène n'est pas un capitalocène, quoi. Il y a pas une lien très très profond entre ces deux choses qui a à voir avec ce que Marx appelait la subjonction. Voilà, trois axes de questions. Bon, voilà, il faudrait que plusieurs heures pour répondre à tout ça, mais en tout cas, merci de tes réflexions très fines et très intéressantes pour moi. Oui, tu as raison, le holisme, j'ai un peu laissé, j'ai laissé les acteurs sur la scène sans que la pièce ne commence. Bon. C'est vrai que cette question de la forme de totalité que forme le capitalisme, pour moi, je crois qu'il faut historiciser le truc d'emblée. C'est-à-dire, ce qui justifie en dernière instance l'usage de la catégorie, c'est l'existence, disons, de continuité historique non niable entre des modes d'organisation économique qui se succèdent. Voilà, je reviens à cette fameuse question des phases, des phases du capitalisme. J'ai envie de dire que la notion de phase du capitalisme, pour moi, elle est coextensive à la notion de capitalisme lui-même. Or, si j'insiste sur le fait que la catégorie de capitalisme est en dernier ressort, justifiée par le fait qu'on a affaire, je reprends la métaphore marxienne, à un organisme qui se développe, en tout cas, à un ensemble de choses, un ensemble de logiques liées en gros au marché et au profit, au marché et à l'entreprise, qui se métamorphose, qui se transforme, qui se réorganise. Si j'insiste sur cette primauté du chronologique, il y a d'abord une unité dans la continuité, ça me permet de revenir après coup à une réflexion sur le fait que pour faire tout ça, pour faire ces métamorphoses, il faut beaucoup de trucs. Il faut des classes sociales. Il faut des ressources naturelles que l'on prélève et que l'on transforme. Il faut des institutions économiques et extra-économiques, en particulier le droit, l'argent, la monnaie. Ce que je veux dire par là, c'est que là on obtient peut-être le butoir de la réflexion sur le holisme. Mon holisme à propos du capitalisme, ça serait l'ensemble des éléments constitutifs de la vie sociale qui sont nécessaires à l'autoreproduction de l'ensemble de la machine, sachant que la quantité d'éléments qui sont embrigadés par l'autoreproduction du capitalisme est variable historiquement. Je sais pas, l'idée que le capitalisme est devenu aujourd'hui émotionnel, psychologique, mobilisateur des subjectivités, cette idée-là, qui est très vraie, qui est très profonde, modifie un peu la donne par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Affirmation d'abord du primat, de la continuité historique pour nous donner à penser la légitimité de la catégorie elle-même. De ce point de vue-là, les formules de Marx sont plutôt trompeuses qu'autre chose. Et deuxième chose, idée que c'est l'ensemble des composantes nécessaires à la reproduction de l'ensemble qui font apparaître une totalité. Hein, ça peut être un type de réponse possible, même si elle est, si elle est très abstraite. Bon, alors, l'ontologie, ontologie et marxisme. Il y a eu des tentatives historiques, tu citais Castoriadis, c'est très intéressant. Il y a eu des choses encore plus claires et plus nettes chez le dernier Lukács. Dans la tradition marxiste, le dernier Lukács, dont le livre s'intitule « L'ontologie de l'être social », tout simplement, est la tentative la plus franche, la plus aboutie, la plus nette pour, je ne dis pas faire de l'ontologie, mais pour utiliser cette catégorie. Le mot et la chose sont c'est deux aspects différents, mais Lukács le fait. Or, le problème, si tu veux, c'est que on ne peut pas ne pas être frappé aujourd'hui par, disons, le caractère catastrophique du bouquin. En très gros, qu'est-ce que c'est que cette ontologie dont Lukács prétend qu'elle résume et fonde le marxisme ? Bon, c'est une ontologie du travail. En gros, 1. L'être humain est un être de travail. 2. L'être humain est un être social. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la société, être social et la société ? La société, c'est essentiellement des produits de l'activité humaine, des dépôts, hein, des dépôts de l'activité humaine. Autrement dit, théoriquement, il y a trois types d'êtres dans le monde. Si je voulais résumer l'ontologie lukacienne, c'est vraiment l'ontologie des bacs à sable. Hein, il y a trois types d'êtres. Il y a la nature donnée. Il y a l'être humain comme être de travail, le produire, le faire. Et il y a les résultats sédimentés de ce produit-là. Ça, c'est une ontologie très simple, qui d'ailleurs, c'est pour ça que j'y fais allusion, n'est pas fondamentalement différente de celle de Castoriadis, même si Castoriadis était plus fin par certains côtés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement inutilisable. C'est complètement inutilisable. Le simple fait, voilà, c'est ça l'erreur d'aiguillage fondamentale dans les ontologies entre guillemets marxistes depuis les manuscrits de 44, c'est comment dire une diabolisation du produit, une diabolisation du produit, c'est-à-dire le fait que quand la chose est faite, c'est une inertie dans le courant de la vie, c'est un truc qui va vous écraser. Et pour moi, l'important, c'était de dire que une philosophie de l'aliénation objective ne se repose pas sur une présupposition aussi massive. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aliénation objective, c'est ce qui arrive, l'existence d'hypostase, d'une puissance détachée, c'est ce qui arrive dans certains cas quand certaines puissances détachées en viennent à prendre leur autonomie. Ce n'est pas une vision globale de l'être de l'étang, quoi. C'est pas une vision globale de l'être de l'étang. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le marxisme en 44 s'annonce avec, tu as raison, des prétentions ontologiques extrêmement fortes. En gros, tout repose sur une ontologie du travail, du produit du travail, et que cette ontologie a probablement été le courant directeur de ce qui s'est réclamé de l'ontologie dans le marxisme jusqu'à Castoriadis et Lukács inclus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, elles sont à un niveau de généralité qui les rend inutilisables. Hein, qui les rend inutilisables parce qu'elles... Je veux dire, c'est un peu le sens de la finitude, quoi. Hein, parce que c'est une propriété essentielle de l'agir humain que de donner lieu à des produits qui peuvent échapper. Et c'est pas dramatique en soi. Cette simple remarque toute bête, enfantine, c'est pas grave. C'est pas grave que des choses échappent à notre puissance, hein, à notre empire. C'est pas grave que des choses échappent à notre empire. Cette remarque, qui est presque latourienne, me semble en soi ne pas pouvoir être absorbable par le marxisme orthodoxe ordinaire. Et nous emmener ailleurs. Il y a des cas, il y a des configurations. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a une ontologie marxiste, une épine dorsale de l'histoire de l'ontologie marxiste qui va dans ce sens-là. À mon sens, elle est inutilisable. Il faut rebâtir sur d'autres bases la notion d'aliénation objective. Et puis très rapidement, production de monde. Capital au sein. le capitalocène. Voilà, cette journée sera marquée d'une pierre blanche dans l'histoire des concepts. Bon, moi, je vais lui dire une chose très simple, puisqu'il a été... la nature, ça existe, quoi. Je veux dire que on va être très embêté, vous savez, dans les décennies à venir, avec le réchauffement climatique, avec la disparition de certaines espèces, avec toute une série de pollutions et de... dans le monde, il y a de la nature, c'est-à-dire quelque chose qui, quand même, est de l'ordre, je ne dis pas d'une extériorité au sens... Mais quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de bouclage sur soi du truc, qu'on n'est pas dans une dans la substance spinoziste qui s'auto-reprend. Il y a une dimension d'extériorité, il y a une dimension d'altérité, et pour le dire cette fois dans un langage marxiste, de ce fait, il y a une dimension de contradiction possible. Voilà, je ne crois pas que nous devions payer notre sensibilité au fait que le capitalisme est devenu vraiment quelque chose de très impressionnant, qui adhère à nos vies. Par mille côtés. Nous ne devrions pas payer le prix de cette intuition par un renoncement à l'idée qu'il y a dans le monde des choses qui ont un petit principe d'extériorité à faire valoir de temps en temps. Voilà. Quand il fera 4 degrés en plus sur la planète, on le sentira, quoi. Oui, mais ça, c'est pas le problème. D'accord. Ah bah. Donc il n'y a pas de monde. Le monde est pas... Le capitalocène est fait pour penser ça. Le concept a été inventé pour penser ce problème. Mais ça, c'est une position logique, par ailleurs. Oui. L'extériorité, ça fait penser à Adorno. Oui. Ce que tu as dit Lukács, Castoriadis, mais il y a Negri, je pensais aussi. Bien sûr. Donc la grosse métaphysique. Ah oui, bien sûr, très important. Et puis au fond, il y a Adorno. C'est effectivement, lui, c'est l'inverse, au contraire. C'est effectivement une anthologie de la singularité. La singularité. Moi je suis un peu étonné quand on parle d'anthologie marxiste et qu'on fait s'arrêter tout ça en 44. Enfin, je sais pas, dans l'idéologie allemande, il semble dire qu'il ne fait que parler, donc tout ce qu'il produit c'est des théories, donc c'est de la conscience, mais il fait une présupposition. C'est que la conscience c'est l'être conscient, et il dit qu'il y a une présupposition réelle, c'est qu'il existe des individus. Ces individus, c'est son seul postulat ontologique, et il dit que ces individus sont toujours en rapport. On était sur Feuerbach. Et cette ontologie, est ce qu'il sait en 45, mais qui jette très vite, parce qu'il se rend compte qu'il va plus faire de philo et qu'il va ouvrir un continent science, là je me range dans la veine althusserienne, cette ontologie, elle me semble tracer une ligne plutôt vers ce que vous sembliez décrire comme être la position que moi je vais appeler nominaliste de Latour. J'ai jamais lu Latour, je ne connais pas du tout. Moi je suis plutôt familier de Bourdieu, qui à mon sens, dans ma lecture, a aussi une ontologie nominaliste, interactionniste, structuralogénétique, donc liée à ce que tu disais sur Lordon et les liens avec Spinoza. Il me semble que cette même ontologie qui consiste à dire, en fait c'est très simple, il y a des hommes qui parlent, des hommes, alias des hommes en rapport, rapports sociaux, et ces hommes parlent, donc ça fait corps et âme chez Spinoza, et donc aussi symbolique et matériel, et donc toute l'histoire des sciences sociales. Et cette ontologie très simple, elle permet de rendre compte des êtres de raison, qui sont capitalisme, tout ce que vous voulez, ou classe sociale. D'après Bourdieu, les classes sociales, n'importe quelle classe, c'est un être de raison, c'est du discours, une idée. Mais l'idée, ça va avec un corps, si on est spinoziste. Et il me semble que cette veine ontologique, et il y a beaucoup de marxistes postérieurs qui ont essayé de lier Marx et Spinoza, il y a beaucoup de bourdieusiens qui ont essayé de lier Bourdieu avec Leibniz et Spinoza, et il me semble que Latour et les pragmatiques, parce que je crois que Latour est plutôt pragmatique, c'est pour ça qu'il veut communautariser les choses, etc. C'est parce que voilà, on agit avec, donc du coup il dit dans notre tête, dès qu'on bouge, on se met en rapport et on conçoit, corporalise des choses, et donc on est en communauté avec des choses. Il me semble que cette ontologie simple, elle existe déjà dans Marx, et la preuve, c'est qu'après, il n'en parle plus. Après, il ne fait que faire de la science, et de la science, là, je vais me reprendre la veine althusserienne, qui sont, que tu sers Macheret, c'est ceux qui font les ponts Marx-Spinoza, donc je pense que ça reste cohérent. Tout le reste, c'est une théorie. Une théorie, au sens d'Althusser, c'est quelque chose qui anticipe sur une science. Et du coup, c'est aussi très très massivement cohérent, et ça incline quasiment toutes ces discussions uniquement sur un terrain de sciences sociales. Juste une remarque, beaucoup de choses que vous avez dit, je peux être d'accord avec elles. Simplement, notez avec moi que si je dis que la présupposition réelle, c'est qu'il y a des individus réels qui entrent en relation les uns avec les autres, bon, ça peut donner lieu, dans les faits, à un nombre de représentations du monde social, à un nombre de représentations du présent historique absolument infini. Je veux dire, c'est sous-déterminé comment on dit. Mais c'est très hiérarchique. C'est tellement sous-déterminé, c'est tellement indéterminé que, d'une certaine façon, c'est inutile. Et j'ajouterais, pour aller dans ce sens-là, que dans l'idéologie allemande, la fameuse notion d'aliénation objective, voilà, des choses nées de la production humaine se sont autonomisées et vont leur chemin. Vient relayer cette ontologie individualiste. C'est le mot aliénation. Non, mais peu importe le mot, mais le schéma dans l'idéologie allemande, le schéma dans l'idéologie allemande est maintenu tel quel. Mais si on est, tu sais. Oui, ça, on n'est pas obligé. On fait le pari que l'idéologie allemande, c'est la découverte du continent histoire, et après, on arrête. On arrête de parler de philo, on est dans uniquement la théorie et quelque chose qui anticipe sur une science. Oui. Science qui a juste des présupposés. Et qu'on fait ce pari-là. C'est quoi le continent histoire? C'est la science sociale. Et la science sociale, le relativisme qui fait très peur, que vous trouvez trop déterminé et donc indéterminé, parce qu'il peut y avoir autant de visions du monde que possible, bah en fait, la science sociale, surtout bourdieusienne, d'après moi, mais ça c'est ma sauce, on peut l'élargir, il me semble que la psychologie, n'importe quoi, entre dedans, c'est toujours dans cette veine-là, bah, elle hiérarchise. Elle montre qu'en fait, bah, tiens, nos têtes, c'est pas si incertain. On a la tête qu'on a déjà eue avant. L'histoire de notre conscience, c'est l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie, c'est l'histoire de nos rapports, de nos expériences. Et tout ça forme une conscience, et ces consciences, et ces rapports, ces vies, sont en fait bien plus structurés qu'indéterminés, parce qu'on est jeté dans le même monde. Il y a de la nature, oui, il y a de la question, la question, c'est de savoir si nous disposons d'une vision ontologique, pour reprendre un peu les réflexions de Patrice Maniglier, suffisamment, je dis, un peu précise, quoi. Or là, je reviens sur mon idée, c'est que ce que vous décrivez comme le nouveau socle ontologique du marxisme, et pourquoi pas, me semble pouvoir aussi bien aller du côté d'un marxisme orthodoxe que du Bourdieu, que de Tarde, que de Latour. On ne va pas très loin avec tout ça. Avec une règle ontologique, un rasoir d'Occam analytique, ce que l'on refusait d'aborder, parce que ça faisait rire tout le monde, mais du point de vue de ceux qui discutent dans le terrain de cette règle ontologique du rasoir d'Occam, c'est-à-dire les scientifiques, bah c'est très clair. Il y a des choses qui existent en pensée, des choses qui existent en fait, qui sont des rapports réels, ou entre hommes et hommes, ou entre hommes et choses, et voilà, et on fait notre beurre. Et ça, c'est la philosophie spontanée des savants, comme dirait tu sais, en fait. C'est sûrement. Mais tout ce qui reste aux philosophes, d'après Althusser, c'est de faire de la théorie. Ou sinon, c'est de faire de la politique. Et ça, ça reste du marxisme classique. Et de la politique, bah, c'est dialectique. On n'a pas une ambition de décrire le monde, on ne fait plus d'ontologie. On se parle, et donc on se fait rêver. Si on écoute les sciences sociales, se parler et faire de la politique, c'est si on inclut un peu de psychanalyse et un peu de vernis sur qu'est-ce que c'est le rapport subjectif à du symbolique, le rapport subjectif au symbolique, c'est des rêves. C'est toucher à qu'est-ce qui constitutivement est le bon imaginaire de nous-mêmes. Ce serait du Lacan du pauvre, ce que je fais. Mais donc, la pratique politique, et c'est un autre régime de discours que l'analyse, cette pratique politique, il ne s'agit que de nous faire rêver. On peut parler, là je suis d'accord avec vous, de tout. Le capitalisme, ça reste important, c'est descriptif. Il y a un niveau de parole auquel le capitalisme reste descriptif. Mais toute la question ontologique, dès qu'on ouvre la porte à d'après moi, n'importe quoi, c'est-à-dire le Marx de 44 et Lukács, etc., on n'en sort plus. Alors qu'il y a déjà quelque chose d'Angers chez Marx. Et bon, avec des allers-retours entre sciences sociales, Spinoza et cette espèce de constellation théorique sur fond d'hégélianisme, mais je vais vite là, qui enlève plein de problèmes et nous fait tout simplement aller ou vers de la science, ou vers de la théorie au sens d'Althusser, ou vers de la politique ou de la discussion, à savoir du rêve commun et des expériences, de comment est-ce qu'on se touche, comment est-ce qu'on arrive à se comprendre selon toutes nos histoires de vie passée. D'accord, je retiens vos objections, mais les présidents, là, sont un peu... Ouais, on a déjà dépassé le temps. En tout cas, merci infiniment pour ces discussions et cette intervention. Le séminaire reprend dans 15 jours avec une intervention de Sophie Houdard. Et toutes les informations sont sur sur le blog de Sophia Pop. Merci, hein, c'était très connu. Merci. Excellent. La question de l'égalité, oui. Oui, c'est concurrentiel, hein, mais... Oui, non, non, c'est clair, c'est pas durant. On peut lui poser, hein. Mais son ethnologue, son ethnographe fantasmé dans le bouquin, effectivement, se dit bon, il faut pas trop en faire sur la domination, parce qu'il y a toujours des moments de déhiscence, ce qu'il dit. C'est encore la même histoire. Ah, oui. La volonté de pas trop prostaguer. Oui, c'est un peu. Voilà, lui, il a besoin de la vie, hein, le mouvement. Ouais. On va pas l'enfermer, non. Ah oui, merci. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, il faut qu'on vous laisse la bouche.